On est branché sur la radio. Le commandant de bord et l'équipage vous souhaitent un agréable voyage. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Ils vont délire ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti. On délire ensemble. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Dans la trappe. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Dans la trappe. Dès 20h, la trappe avec Jadoul et toute son équipe sur KIF. Waouh! Ah, monsieur, tout de suite mieux quand ça fonctionne! Ah, ouais, là, ça envoie! Hein. Bonsoir, bienvenue, l'émission s'appelle La Trappe, je m'appelle Jadoul, on est ensemble pour la toute dernière de la saison. Oh non! 40e émission, on a fait 40 trappes. Mais c'est passé à une vitesse, on n'a rien vu. Des délires en nombre et plein de belles choses qu'on a vécues et qu'on va encore vivre ce soir. C'est que de l'inédit, hein. On va pas faire la nostalgie des meilleurs moments. On vous a prévu non pas une heure. Non pas deux heures, mais 3 heures d'émission, les gars. Ce soir, en direct, on va vivre de grandes choses. Il y a plein de surprises. Autant vous dire qu'on est dans une configuration qui n'est pas celle de d'habitude. J'ai l'impression d'être sur un champ de panneaux solaires et d'antennes. C'est vrai. J'ai jamais vu autant d'antennes autour de moi. Quelque chose me dit qu'il y aura des micros sans fil. Faut juste pas qu'il y ait de l'orage, quoi, parce que... On risque de souffrir en plus. Ah, ce serait énorme. Voilà, on a des grosses surprises pour vous, des invités aussi, notamment dans l'interview combinée. Ouais, on aura Oshi. Oshi qui a chanté Tamarinière. Ok, oui, d'accord. Je pensais qu'il y avait une suite à ce mot. Oshi tout court. Ah ben, on l'embrasse. On va aussi revenir sur toute l'actualité qu'il fallait louper ces derniers jours. On va faire le tour des télés locales. On ne le fait pas assez, les télés locales. Genre Télé-Sambre, BX1. Ouais. Ah, moi je les connais même pas. Hein. Ah bah, vous allez voir, vous n'allez pas être déçu du voyage. Maëva sera de retour avec la minute tactile. Oui, je vais parler de la fin des Skyblogs, ça y est, c'est fini. Est-ce qu'on doit dire les KIF blogs comme on est ici sur l'antenne? Si tu veux. Ok, d'accord, c'est noté. Et plein de belles surprises, ça c'est pour le sommaire. En attendant, j'ai envie quand même de commencer cette émission par un grand jour, le Caplogs Day. Vous savez ce que c'est? Absolument pas. Non. Bon, Antoine me regarde avec un grand oui. Il n'y a que lui qui sait. Bien sûr. Ce 28 juin, il le sait Antoine, c'est un jour pour tous les internautes, hein, il le célèbre depuis l'an 2000, la journée mondiale de la majuscule sur le clavier d'ordinateur. Assez précis, hein. Donc, tu savais ça, toi? Oh, ben, je sais bien qu'il y a ce genre de choses qui existent, hein. Sur Internet, on trouve de tout et n'importe quoi. Ok. Évidemment. Bon, ça ne vous a pas échappé aussi qu'écrire en majuscule, ça donne légèrement le sentiment de crier. Oui. Oui. Vous voyez, genre... T'écris souvent en majuscule, toi. C'est vrai? Bah oui, parfois. Parce que je suis souvent en colère. Pourtant, il aime pas qu'on lui envoie des messages en majuscule. Hein. Ah non, toi tu m'écris en majuscule, tu te prends un coup. Ouais. Moi je peux. Il y a une différence. Parce qu'écrire en majuscule en allemand, c'est la double peine. Ça veut dire que tu cries et en plus tu parles allemand. Eh, ça va? Oui. Oh, calme-toi. That's life. Un peu dur quand même. Hein. J'ai l'impression. Bon, si vous n'êtes pas contraire, je pense qu'on peut présenter enfin l'équipe et... Arte, dis mama. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, encore un allemand, mais c'est pas vrai. Moi c'est Jadoul, hein, c'est pas maman. Arte, dis Jadoul. Les trois cafés gourmands se séparent. C'est quoi encore ces gros dégueulasses de clubs échangistes? Ah non, mais les trois cafés gourmands, c'est pas des échangistes. Enfin, plutôt c'était un groupe de musique notamment connu pour le titre À nos souvenirs et tout ça. Bon, tout ça pour dire qu'ils se séparent en fait. On va écouter leur titre en entier maintenant. Oh non! Ah nein, je rire. Je vais vous éviter la torture pour cette fois. Cette fois-ci. Merci, monsieur. Hein. Est-ce que vous pouvez passer sur d'autres radios pour éviter de revenir dans l'émission? Ah, scheiße, j'ai compris. Merci. Je ne supporte plus, ce gars. Bon, alors, si on recherche pour la dernière émission votre nom dans la Music Machine, oui. Qu'est-ce qu'il en ressort? Ah, ce serait bon à savoir. Oui. Par exemple, là, si je tape en majuscule, hein, c'est la journée, tant qu'à faire, dans la machine, le prénom Maëva. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Ah, c'est beau. Christelle, je suis revenue. Vous l'avez compris, on a des chansons de merde à déstocker ce soir. Bonsoir Maëva, comment ça va ? Bonsoir, ça va et toi ? Bah ça va très bien, tu rayonnes. Je suis contente. Ah oui, parce que tu vas plus voir nos gueules durant deux mois. Non, arrête. Oh. Non, justement, je suis triste mais contente. Triste mais contente. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ah, il n'y a que vous qui me faites cet effet. Et tu n'es pas au bout de tes effets ce soir. J'adore faire des phrases de gros beauf comme ça. Bon, si je tape simplement A-N-T pour le début d'Antoine, le problème c'est que d'office, Google Chrome bloque et m'affiche. Clara Luciani, évidemment. Je ne comprends pas du tout cette allusion. Bonsoir Jadoul. Je pense que c'est le journaliste qui a le plus écrit de toute l'histoire sur Clara Luciani des articles. Bah oui fan, ça m'est arrivé quelques fois, oui. Tu es fan de Clara, non? Oui, je pense, oui. Ouais, okay. Tout le monde pense. À partir du moment où on dort avec un coussin Clara Luciani, mais il faut pas révéler ce genre de secret. Ah pardon, bah oui, attends, désolé. Attends, mais il faut plus révéler maintenant. Non, ça va, on veut rien savoir. Bon, allez, Kix, c'est le dernier. Si je tape son nom, que me sort la Music Machine, hein, qui nous connaît très très bien au final. C'est mon Kiki, et je m'endors avec lui tous les soirs dans mon Kiki. Je n'ai plus peur dans le noir et je l'emmène. Ah non. En promenade. Non. À la campagne, à la neige, à la plage. On va oublier, hein, c'est dégueulasse. Oui, mais c'est bien. Non, c'est du viol, ça. Oui, c'est très bien. Bah, tu écouteras. On va t'envoyer le fichier. C'est gentil, merci. On va faire ça. L'émission est en direct. On a plein de surprises pour vous. Merci de nous avoir choisis. Les 20h, c'est la trappe sur KIF. Avec son orgue de barbarie. Chiche. Voici l'ISO. Bienvenue. Dans un instant, le pour toi de la semaine. Le tour des télés locales. Girl, I'm about to have a panic. Oh, arrêtez tout. Urban music non-stop, c'est bien. Oui. Vite fait. Les délires de la trappe en plus, c'est mieux. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Les gars, on est complètement passé à côté d'une info. L'info. Laquelle? Il faut aller jusque BX1 hein, pour la trouver. Ah bon? Oh, pas très loin, quoi. Ça tombe bien. Oui. Non, mais BX1 la chaîne, pour tomber dessus, il faut déjà le faire. Hein. Faut zapper. Oh. Rappelle-moi, elle est sur combien chez Proximus? C'est le 10 ou le 11 quand on est à Bruxelles. Ah là, bon. On a oublié de parler de l'événement qu'ils ont couvert, quand même. La fête de la cerise qui a fait son grand retour à Scarbeck ce week-end. Partout dans le parc Josaphat, l'ambiance est familiale. Ah bah oui, et on a une interview, est-ce que c'est sympa le parc Josaphat? Avant c'était un très beau parc ici, le parc Josaphat. Maintenant plus. Il est encore beau, non? Eh ben oui, mais maintenant c'est plein marocain. Non, on peut pas dire ça de nos jours. Non, on plaisante, hein, bien sûr, c'est une archive RTBF, tout ça. Hein. Oui, c'est maintenant aussi, il y a 10 années. Ah non, ça c'était, oui, non, c'est un autre siècle, c'est quand ah on... Ah oui, j'allais dire, parce qu'il y a encore des gens qui parlent comme ça. Non, les amis Banania, tout ça, c'est resté vraiment dans les lourdes archives du passé. Okay. Et heureusement, on a évolué. Enfin, retour sur le vrai reportage, excusez-nous, on a dérivé. Évidemment, des stands dédiés à la cerise sont installés un peu partout. Sous cette tonnelle, Cosqueban vend de la crique. Ah bah oui, la crique, évidemment, c'est pour ça que la cerise est connue. Non, on en a pas ramené ce soir de la crique. Oh non. Personne n'en a ramené. On fera ça. C'est vrai qu'il allait lui taper Kix. Personne n'en a ramené. On va rester à l'eau. Hein. Mais je comprends pourquoi est-ce que tout le monde maintenant s'intéresse à la cerise. C'est l'heure du célèbre concours de crachat du noyau de cerise. Le record de 15 mètres n'a pas été battu. Le meilleur score revient à un Scarbécois avec 14,33 m. Ah bah tiens, on va l'écouter le Scarbécois. Ça donne quoi quand on crache une cerise comme ça dans un championnat? Ça me paraît extrêmement suspect. Ah non. Des témoins qui ont vu la voiture m'ont dit qu'elle n'était même pas écrasée. Oh, le dernier, vous l'avez entendu, hein, il est parti. Hein. Bon, on arrête nos conneries, laissons la fin du vrai reportage parce que sinon on va jamais s'en sortir. Les festivités s'achèvent ce soir à 19h par un concert de clôture. Un concert de clôture, on l'écoute. Ah oui, il y avait un portail, pardon, j'avais pas compris. Les 20h, c'est la trappe sur KIF. Les vannes de merde sont déstockées, 19h... Non, 20h19, on est bon. Voici Nino, et juste après, on revient derrière avec Télé-Sambre, on reste dans les télés locales. Et hop là, on va parler corbeau. C'est Johnny. Ça y est, il y en a plus. Bon, on enchaîne alors. La Trappe, l'émission connectée qui te fera complètement oublier que c'en est une. Oh non. D'ailleurs, l'équipe aussi a complètement oublié qu'ils doivent parler tech. Ah. Jadoul, dès 20h, sur KIF. Ah, je vous ai promis qu'on allait rester dans les télés locales. Ah. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, non, vous n'êtes pas prêts. Si je vous fais entendre ce son, ça vous fait penser à quoi? À la mer. Alors, deux possibilités, soit des vaches, enfin des animaux dans un truc, ou alors pardon, une fête ça forêt. C'est une vache. Non, mais des poules, enfin une ferme quoi. Une ferme, ok, une d'accord. Ferme. Kix, un Radio Falminioul. On aurait pu, on va les retrouver tout à l'heure, Radio Falminioul, c'est une séquence qu'on aime beaucoup dans cette émission. Mais non, vous êtes loin du compte. Ce sont des corbeaux freux de Tuin. D'accord. C'est des gros chouins. Ah. C'est des gros corbeaux chouins. C'est des oiseaux présents en très grand nombre et ils sèment la pagaille dans le village. Alors, c'est une espèce protégée, donc on ne peut pas intervenir. Ah, et ça rend le truc plus compliqué. On cherche le calme en permanence et il n'y en a pas. C'est juste horrible. C'est Hitchcock en permanence. Ah, bravo pour l'imitation. Non, mais c'est une nuisance quotidienne. Ça veut dire que même les enfants se font voler leur goûter par ces corbeaux. C'est compliqué, il y a un petit village, voilà, avec d'autres villages autour, et ils sont tous inondés. Mais voilà. Ce sont des villages, et dans les villages, on trouve une solution. On a essayé une solution, on nous avait dit qu'il fallait en pendre un, et ça a fonctionné 15 jours, et après ils se sont habitués. En pendre un, bien sûr, vous avez bien entendu. Imaginez, vous griffez la bagnole d'un villageois. Ils vont pendre, vous voyez, un pendu. Pendu sur la place publique, juste devant le clocher. Colis comme la tête. C'est ça. Ou alors, la bonne vieille méthode. Hein. Voilà, oui. Un petit coup de fusil. Voilà. Non, je l'aime moins celui-là. Je préférais l'autre. Oui, il est bien celui-là. Dans un instant, on va voir... Ah oui, la connexion à Claude. On va voir, c'est vrai, où il en est dans Claude. Ça. Il va rechercher ses jobs d'été. Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il nous a encore trouvé comme emploi cette semaine. Mais on va s'y connecter d'ici quelques minutes. La minute tactile de Maëva sera là aussi. Oui, je parle de la fin des Skyblogs. Ça y est. Ça va être parfait. C'est la fin d'une ère. Ah, ça, c'est sûr. Ah ouais. Bah, c'était la fin d'une ère aussi à l'époque où MSN a fermé, hein. Oui, mais non, Skyblog, il y avait des restes, il y avait des traces du passé, c'était... Parle-nous de tes traces dans 3 minutes. Juste avant ça, une petite page de pub, on a besoin d'argent. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. Madame, si pour votre consommation en viande et charcuterie, vous privilégiez des produits savoureux de notre terroir, découvrez à Morin, dans Léonel, la boucherie chez Jean. Visible sur Facebook. Un artisan qui saura vous faire apprécier sa plus belle plume pour livrer une aventure qui donne envie à chacun de voler de ses propres ailes. Pour le plaisir gustatif d'une vaste clientèle, vous découvrirez un choix en viande de bœuf, porc, mouton, volaille de première qualité, fraîcheur, des charcuteries fines, des spécialités homemade, plus délicieuses les unes que les autres et une grande variété de plats préparés. Gageons que votre première visite sera suivie de beaucoup d'autres car à la boucherie chez Jean, on y vient par simple curiosité. On y reste sur une sexualité complexe et le parcours chaotique de l'appropriation de son corps. La boucherie chez Jean, bercée par la musique jamaïcaine et le hip-hop, est ouverte sur la place de Morin, au pied de l'église. Livraison assurée. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Pardonnera. Oh, que des bons titres ce soir. Tous les mercredis dès 20h, c'est avec Jadoul. Dans la trappe sur KIF. Qu'est-ce qu'on fait les amis? Je suis complètement paumé, j'ai complètement oublié. Claude. Hein. Ah oui. Ah oui. Bon alors, retour sur la quête de job avant l'été. Faut arrêter avec cette phrase. La quête de Claude, mais sans rire, ouais, qui a écrit ça? C'est une belle quête. Et c'est une belle quête, une grande quête. C'est un ami de l'émission, Claude. Si vous le connaissez pas, il est là depuis septembre. Hein. Il a besoin d'argent et d'un métier qui lui conviendra. Il est en liaison en direct avec nous. Est-ce qu'il nous entend, Claude? Claude, Claude Adil sont en micro sans fil. C'est énorme. Est-ce que quelqu'un peut lui apporter un autre micro sans fil? Les marches sont bazardes. Qu'est-ce que je dois faire, moi, ici? Je sonne, je frappe, qu'est-ce qu'il faut faire ici? D'accord, attendez. Vous êtes devenu curé, vous allez actionner des cloches? Mais non, je suis à Rieres, tu vois la tour là, de la RTB, là, avec la soucoupe qui est dessus. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai un grand bâtiment, moi, ici, devant moi. Ah non, mais alors là, vous êtes à la RTBF, Claude, rien à voir avec ici. Attends, parce que j'ai pas mes lunettes de vue, mais... Et un bazar, ils aiment MST Production, MST. c'est ici que je dois venir. Non, c'est TMS Prod, la société de production qui fabrique notre émission. Vous êtes en bas du studio, en fait. Ouais, on dirait un tiche. Vous êtes censé vous trouver un job qui vous convient, histoire que vous nous le fassiez découvrir à l'antenne, Claude. Et écoute, j'ai plus de travail avec toi qu'avec tous les autres emplois que j'ai eu dans ma vie. Donc à force d'être ton employé spécial, autant venir directement chez toi. Mais c'est toi, MST, alors? C'est toi qui fais les émissions à la TV, là? C'est ça. C'est triptyque et tous les bazars de la RTB, ça. C'est ça, hein? Non, mais alors déjà, vous êtes envoyé spécial, pas employé spécial. Et alors, oui, effectivement, je suis pas contre de vous prendre à l'essai, peut-être, Claude. Mais c'est quoi vos compétences, Claude? Écoute, je sais tout faire, moi, tu sais bien. Je sais tout faire, tous tes trucs de forain, tes guignolades sans allure dans ton studio. Ça serait encore mieux si je m'occupais de vos estomacs, tu vois. Te faire à manger ici. Ah, vous voulez nous faire à manger? Ouais, pas qu'un peu, hein. Tu sais qu'il y a Patrick de Corte à Padua ici. Non, il a fermé, il est plus là depuis la nuit. Attends, tu sais pourquoi il a fermé? Non. Parce que moi j'ai emporté la baraque. Moi je me suis reconverti, hein. Moi j'ai les saucisses, les fricardelles, les poulets croques, j'ai tout ce que tu veux, moi ici, hein. Je suis équipé comme Jean-Jaloula, la trappe. Sur TMST. Non, on est sur KIF. Ah oui, juste TMS produit, mais. Tombez, vous allez embrouiller tout le monde. Calmez-vous. Vous voulez monter au studio parce que là vous êtes dans la rue en fait. Écoute, n'en dis pas plus. Si tu m'ouvres les portes ici, Claudia Rie, je vais te faire un barbecue, mon gars. Tu ne sais pas ce que j'ai avec moi. Hein. Patrick de Corte avec ses friteries, c'est une petite bête. Hein. Je peux te le dire. Hein. Je cherche la baraque dans ton ascenseur et je vous régale. Jamais les fricardelles, jamais tout. Alors Claude, je veux bien qu'on ait un rooftop, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Mais on va vous faire monter. Vous m'avez donné faim là, vous avez un barbecue au moins, un appareil. Hein. J'ai tout ce qu'il faut, hein, les gars. Fils de garçon de café, moi j'en ai sous le pied, j'ai tout prévu. Hein. D'accord. J'ai le barbecue. J'espère que t'as prévenu tes voisins. Hein. Parce que moi je compte pas sortir un barbecue électrique ici. Hein. C'est le gaz, c'est le charbon de bois, c'est les braises qui vont fumer. Hein. Tu peux prévenir tout le monde. Hein. Oh purée. Alors, il faut, s'il vous plaît, est-ce que Claude, vous pouvez dire à voix haute à l'extérieur que c'est bien un barbecue électrique parce que les voisins nous ont laissé un mot ce matin. C'est un warning. Tu veux faire un avertissement pour tes voisins? Bah oui. Écoutez, on n'a pas de barbecue électrique chez Claude. On a que de la braise. Ouais, les gars, on va respecter un peu le voisinage ici. J'ai pas envie qu'on soit sur le dos directement. Hein. Je fasse mon scène de dehors. Hein? Laisse-moi un petit peu tranquille, hein, Tiche. Tu veux que je vienne te nourrir ou pas? Tu veux ta fricadelle? Ah, c'est bien. Alors, gardez toute la viande et tout. On va faire un point régulier avec vous au fur et à mesure de la fête. On vous ouvre quand vous êtes là, d'accord? Ah, je veux enfin pouvoir rencontrer l'équipe et la petite gamine là, que tu as engagée. Comment elle s'appelle encore, Magali? Maeva. Magali. Maeva. Ah, c'est pas possible. Présente-moi Maeva, j'arrive. Je monte dans l'ascenseur. Faites attention, on vous a l'œil. Jadoul. Et... Oui. Dans la trappe. Je coupe son micro, voilà. On va l'avoir à l'œil. Jadoul, dès 20h sur KIF. Qu'est-ce qu'il va faire, Claude? Claude, vous prenez l'ascenseur et vous le bloquez pas, hein? Je prends tout ce que tu veux, mais je sais pas où si je suis dans le couloir ici. C'est où? C'est chez le voisin? Oui, alors on va voir. Jean-Claude, ici, on va vous... Attends, Marcel, Thierry. On va vous guider. À tout de suite, Claude. Voici Nino. Bienvenue. Dans un instant, Maeva et sa chronique. Bienvenue, on est en direct, 20h38, l'émission s'appelle La Trappe, je m'appelle Jadoul, on n'est que à 1/6 de nos conneries là. Oui. Pour vous dire qu'on a encore beaucoup à dérouler. L'actu connecté et les dernières tendances sont dans La Trappe. Je propose qu'on fasse place maintenant au sérieux s'il vous plaît. Elle a sorti sa robe des grands soirs. C'est pas une robe, c'est une combi. Mais je vous emmerde. Je n'en peux plus. Il a voulu bien faire. Des filles qui critiquent chaque chose. Tu sais, t'arrives, tu fais ah, ben t'es belle aujourd'hui. Aujourd'hui. Non. Mais non, mais c'est un fait, c'est une combi. Oui, bah c'est bien Thomas Pesquet. on va parler des Skyblog aujourd'hui Maëva. Oui, l'équipe Skyrock a annoncé les la fin. Les KF Blog, il n'y a pas eu ça, non? Non, il n'y a pas eu. Ouais. Mais ça y est, c'est la fin, c'est pas fini. Déjà pas de site. Alors. Donc on rappelle pour ceux qui savent pas ce que c'était des... Qu'est-ce que quoi? Ah, tu fais des punchlines. Okay. Non, mais c'était une blague. Non, je rigolais parce que vraiment, la semaine dernière, on en a parlé. Et normalement, alors, je vous dévoile une info exclusive. Dis-nous. Que je ne suis pas censé vous dire, mais potentiellement, un nouveau site internet arrive pour KF. Ah, okay. Super. Ça c'est intéressant ça. Vas-y, donc les Skyblog c'est fini. Oui, ça y est, c'est fini. Donc on rappelle ce que c'était il y a une dizaine d'années, c'était The Truc. Ça avait même obtenu la 17e place au classement des sites les plus consultés dans le monde en 2007. Ah, quand même. Mais voilà, ça y est, c'est fini. Ça prendra fin ce 21 août. C'est la fin d'une ère. On va devoir faire le deuil de notre journal intime en ligne. Parce que, faut se dire, moi j'écrivais absolument tout ce qui me passait par la tête, mes passions, mes photos d'amis. T'en as eu un? Ah ouais, j'en ai eu trois. Et mince. J'en ai eu trois. Pourquoi tu l'as pas dit avant? On aurait tout retenu. Non, mais oui. Non. Alors, mais oui, mais non, parce que c'est le truc que t'es content de savoir que c'est là pour aller voir nostalgiquement, régulièrement, mais t'as aussi peur que les gens tombent dessus. Et c'est justement pour ça qu'on décide de le supprimer, parce que ça va par rapport aux données personnelles, des choses qui font en sorte que, que ça représente pas ce que t'étais, en fait. Et donc, ça peut donner une mauvaise image de toi. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de les supprimer, les Skyblog. Alors, supprimer, oui et non. Donc, nous, on peut les récupérer, les télécharger, en fait. Ah, on sur peut avoir appareils. Une archive. C'est ça, on peut l'avoir en archive. Donc, du coup, avec, il y a plusieurs manières. C'est détaillé, sur le site, mais il y a avec WebCopy, A1 Website Download, ou, HTTrack, pardon. Donc, voilà. Comme ça, on peut le télécharger sur notre PC pour avoir en souvenir. Ils vont pas non plus totalement disparaître. Ils vont juste devenir anonymes. Donc, on saura plus à qui c'est, mais ça va aller dans les archives nationale ah pour oui, que, oui, pour oui, que oui. Les érudits sociologues puissent nous étudier et se foutre de notre gueule à travers certains cours d'ici quelques années. Ok, bah voilà. Super. Notre génération sera totalement mon Dieu. Vannée pendant les cours. Et donc voilà, c'est tout. Je trouvais ça c'est incroyable. Allez, on veut un dos. Il y avait quoi sur ton Skyblog? Beaucoup de trucs, genre la vérité, hein. J'étais fort rock'n'roll, les musiques. Alors je mettais des trucs un peu dark. J'étais un peu gothique, tu vois. Genre une photo de moi qui fait la gueule et je mettais parce que le meilleur me fait souffrir d'Indochine et tout. Enfin des trucs ainsi. Et vous? On va te laisser toute seule là-dedans. Non, arrête, t'avais un Skyblog. Fais pas genre tout le monde en avait. Je te jure que j'en avais pas. Tu mens. Je n'ai jamais eu de Skyblog. Parce que, alors, je vais te dire la vérité, j'ai pas su comment en créer un. Mais enfin. Mais j'étais trop teubé que pour savoir comment créer un Skyblog. Antoine, dis-moi que t'as eu un Skyblog. Non, j'ai pas eu Skyblog. Mais enfin! Mais non, t'as pas eu Skyblog. Et toi, Kix, t'as eu un Skyblog? Moi, j'aurais jamais, moi. Dès 20h, c'est la trappe sur KIF. Mais ça va, Maëva, on rigole, mais on est content de savoir que t'avais un Skyblog. Trois, mais c'est quoi, t'en as eu pour nous tous? C'est réglé. Voici Lokioto, un truc comme ça. Et dans un instant. Lokito. Oui, merci. Oshi sera là, bienvenue. Attendez, il faut qu'on arrête tout là. Claude est arrivé dans nos locaux. Il est enfin à notre étage. Il a réussi à se pointer. Il est donc là actuellement dans le couloir, simplement, avec son barbecue. Mais alors, finalement, Claude, c'est un barbecue électrique? Écoute, Tiche, qu'est-ce que c'est que ce bazar ici? Ça ne marche pas. Il faut mettre de l'eau dedans. Tu mets de l'eau dans un barbecue. Tu as de l'eau, tu as ici un... Oui, alors il y a un robinet. Vous savez vous en servir? Écoute, ça n'a pas l'air de marcher. Tu as payé ta facture d'eau? Je te jure, oui. Je vous jure, excusez-moi, je vous vois. Non, mais j'adoue, ça marche pas, ton bazar ici. Qui va, hein. Non, ça c'est le fût, ça. J'essayais de tourner le. En fait, j'utilisais la manette. Ah voilà, ça y est, regarde, ça pisse. On y est, là je vous immerge. En total direct avec nous. Merci Claude, on refera des points régulièrement sur votre évolution. Oh merde, j'ai mis de l'eau par terre chez toi. Il y en a partout dans ta... Il y en a partout dans ta cuisine ici. Attends, t'as pas une loque? T'as pas un bazar, touche moins bas. Tu as des amis, chats ici en fait. Dites-vous. Ce sont les gamines. Donc, 20h44, on est en full direct et c'est la première fois que Claude est avec nous en liaison sur place. Ce qui fait partir le truc complètement en cacahuète. Ça glisse en plus. Merci Claude, on vous retrouve dans quelques minutes. Pour l'heure, on a des choses un peu plus importantes à faire. Ah, notre interview combiné. Je vous explique le principe. Non, Maëva va vous expliquer le principe. Alors, on prend une interview combinée et on en fait une interview. Mais arrête de te. Non, mais c'est mais Chloé, c'est Chloé. Tu sors avec son barbecue, il faut de l'eau partout. Qu'est-ce que tu veux que je rigole pas, moi? Donc, on prend une interview combinée, on crée des questions pour que les réponses soient drôles et ça fait une interview combinée. Il en a pas foutu partout, c'est bien. Dis-moi que t'en as rien à faire de ce que j'ai dit. Demande-moi encore quelque chose. Non, mais sincèrement, Maëva, je vais te le dire. J'en ai rien à foutre. On se fait l'interview combinée. Tout le monde a travaillé? Ah oui. Ah, c'est bien. Allez, attention, voici la première réponse. Je dépense beaucoup trop d'argent là-dedans. Antoine. Les produits Apple. Je dépense beaucoup trop d'argent là-dedans. Bah oui, t'office, ça coûte super cher en plus. Maëva? Ce que je me dis quand je vois combien j'ai dépensé ce mois-ci sur Uber Eats. Je dépense beaucoup trop d'argent là-dedans. Ah, Uber Eats, moi c'était une maladie il y a 2 ans. Hein. Oh. Kix, c'est vrai que tu as une collection d'élastiques pour chignon? Je dépense beaucoup trop d'argent là-dedans. Tu peux faire moins de bruit, Claude? Ah, il s'installe, hein? Oui. Excuse un t-shirt, mange pas ton bazar ici. Mais c'est incroyable. Il va nous foutre le feu pour du vrai, hein, monsieur. Et attends, je peux m'installer sur la terrasse à côté de votre studio ici. Comme ça, j'ai une vue plongeante sur Maëva. Attendez, Claude, il est dégueulasse votre barbecue, hein. Écoute, Tichet, tu veux pas que je nettoie ici? Que je peux cumuler, hein, le travail. Oui, mais on va manger là-dessus, Claude, vous vous rendez compte? Oui. Écoute, il faut que je trouve déjà la merguez, hein. C'est compliqué, hein, ton bazar chez MST. Franchement, je te le dis, hein. Merci, Claude, on se reconnecte à vous dans quelques instants. Deuxième question, Antoine. Quand tu penses avoir mal entendu que le casque Apple coûterait 3500 boules. Sauf que c'est la vie réelle. Ouais, il fait mal. Kix? Alors, pas mal... Oui, j'ai fait un alors, je suis désolé. Pas mal les images où on te voit tuer Fabien Lecoeuvre. Sauf que c'est la vie réelle. Ah, Fabien Lecoeuvre qui avait dit elle est hideuse. C'est ça, oui. Qui avait Oshie dit des, et hideuse. Des mots très négatifs par rapport à elle. Et donc, Fabien Lecoeuvre a dit « Elle est hideuse, cette fille, masquez-la !» Elle a répondu « Je partirai !» Maëva, ta question? Imagine un monde où les hommes et les femmes ne gagnent pas le même salaire alors qu'ils font exactement le même travail. Sauf que c'est la vie réelle. J'ai vu les chiffres, ça m'a encore rendu malade. Voilà. Je comprends pas. Toujours du bruit, l'autre con, hein. On va revenir sur Claude d'ici quelques minutes. On va finir avec la troisième question, Antoine. Les travaux sur la E42. Ça continue. J'en peux plus. J'ai l'impression qu'ils posent des plots tout le temps. Ils ont une passion plots. Ils ont un stock de plots en Wallonie. Tu sais que c'était une blague de Siri à une époque? Mais non. Oui, tu disais raconte-moi une blague et il disait c'est l'histoire de la E42 sans travaux, sauf que ça n'a jamais existé. Claude, qu'est-ce que vous faites dans le studio? T'as pas des prises de courant ici pour brancher? Attendez, on n'a pas ouvert votre micro. Écoute, t'as pas des prises de courant pour brancher ton micro ici? Non, pas le micro, le allume le passable, les merguez, le barbecue. T'avais pas géré deux choses à la fois. Écoute, on va jamais... Tes voisins ont demandé de l'électrique, moi j'emmène de l'électrique. Oui, maintenant, oui, il me faut oui. De l'électricité. Regardez, derrière la clim là-bas, il y a du courant. Ah, d'accord. T'as caché, mais tu prises encore. Oui, c'est bien. On ne saura jamais faire une émission, hein. Ça va pas être possible. Non, mais on va le canaliser. Moi, je vous écoute, hein, Nétiche. Oui, ça, je sais, vous avez votre casque, vous vous baladez partout avec votre casque. Ouais, c'est pas malin cette technologie, et j'ai pas de fil et je vous entends. Merci, on coupe, voilà. On en était où, Maëva? Ah oui, où sommes-nous? Quand c'est le lendemain de soirée, que t'as une gueule de bois et que t'es malade et tu crois que c'est fini, mais... Ça continue. Drôle, ça. Kix, dernière, moi, sois drôle. Ah ouais, bah alors, il faut pas finir pas avec moi. J'ai jamais été voir de psy. Ah bah, Kix, oui, regarde, ça va donner des trucs sympas, hein. Merci, Oshie, ça va? Ça va et vous? Très bien, merci. Vas-y, Kix. Je sais, je te le dis tous les jours, mais j'ai l'impression que Oshie veut dire sushi. Ça continue? Oui, ça va, j'arrête de t'embêter avec ça. Moi, c'est drôle. J'aurais dit Moshi, moi, pas sushi. Moi, je vais retenir juste la phrase que Maëva nous a dit la semaine dernière dans l'interview combinée. Oh. T'es seulement, ça faisait un petit peu de vent quand tu le claques, le combiné. On claque le combiné. Jadoul, dès 20h, sur KIF. Magnifique, ça. T'es seulement, ça faisait un petit peu de vent quand tu le claques, le combiné. Ah oui, j'en ai pas donné des coups de combiné. Bah, tout le monde a été drôle. Il est pour moi. Oh, on fait notre séquence. J'étais pas prêt du tout, hein. Non. Est-ce que ça s'est entendu? Non. Ah, pardon, non. Excuse-moi. C'est pas encore signé, hein. On sait pas ce qu'on fait la saison prochaine. Mais c'est ça, oui. Ouais. On y va? On fait quoi maintenant? Alors. Ok, boomer. Ah oui. Ok Boomer, la séquence où Maëva va nous foutre un coup ou alors simplement nous mettre dans le siècle présent avec des infotech. Tu vas nous parler de quoi cette semaine Maëva? Du fait de se faire ghoster ou du ghosting. Alors je pensais que c'était bien pour les boomers mais aussi pour vous. Parce que deux d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Le ghosting. Le ghosting, donc c'est un terme qui est devenu très populaire ces dernières années. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait que du jour au lendemain, on ne donne plus de nouvelles, parce que ça vient du mot ghost en anglais qui veut dire fantôme. Et donc du coup on parle à quelqu'un et du jour au lendemain, sans aucune raison valable, on n'a plus de nouvelles. Alors souvent c'est quand c'est une relation un peu amoureuse, hein, le crush, on parle, il nous parle tous les jours, on se parle tous les jours, et du jour au lendemain il donne plus de nouvelles, et quand on lui parle il répond pas, on se demande pourquoi. Ben vous êtes fait ghoster, désolé. Je vous ai déjà dit que j'ai ghosté des gens accidentellement. Ah ben voilà, ben j'y viens, parce que j'allais dire on va pas donc oui déjà il y a des, ça a été prouvé par des psychologues que c'est mauvais, enfin c'est très mauvais. Ça peut avoir des impacts psychologiques sur les personnes, sur les victimes, parce que bah, ça nous fait remettre en, enfin, ça crée des insécurités, il y a une confusion, même du rejet, on a l'impression. On se pose des questions de genre, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment. Mais c'est ta faute! Mais non, justement, non! Et donc, ça peut vraiment entraîner une baisse d'estime de soi, un sentiment d'anxiété et même parfois de la méfiance envers les autres parce qu'on s'est fait ghoster une fois. Donc, surtout si tu l'as fait, ne le fais plus. Maintenant, on va quand même dire que ceux qui ghostent, bah, ils font pas, enfin, sont pas tous des connards en mode pour faire ça méchamment. Il y en a qui ne le font parfois pas exprès. Bon, et puis hein. il y en a, ils le font parce que c'est juste une situation de fuite. Tu vois, quand j'ai peur du, quand je vois une araignée, j'ai peur, je me barre en courant. Une fuite? Une fuite, se sauver. Non, pas une fuite comme ça. Je sais pas, moi, Jean-Antoine qui m'a fait des grands signes en disant, alors, fuite, on est chez les grosses têtes ici. Non, se sauver, par exemple, tu vois, la peur de l'attachement, la peur de l'engagement, et ben, la personne, plutôt que de dire quoi, elle va juste arrêter de parler du jour au lendemain. Ah oui. Et donc, Si tu t'es fait ghoster, si quelqu'un s'est fait ghoster, faut dire que c'est pas de sa faute à soi. Souvent, ça vient de l'autre qui a un problème, qui a peur, etc. Donc voilà, faut pas déprimer pour ça. Donc quand j'envoie des PV de réunion et des trucs et des mails à Kix et qu'il me répond pas, c'est qu'il m'a ghosté? C'est ça. Je dois le prendre mal? Je crois, mais il a peut-être peur du travail, du coup il a pris la fuite. Ah, c'est ça. Oui, parce que la dernière fois que j'ai envoyé un mail à Kix, il s'est retourné, il a fait... Et ça a duré très longtemps. Jadoul, dès 20h sur Gaïef. Ah, c'est pas fini? Bah, j'allais vous demander si vous étiez déjà fait ghoster. Oh, on peut donner nos anecdotes. Ou si vous aviez déjà ghosté quelqu'un. Toi, tu disais que tu l'avais fait sans faire exprès. Oui. Alors, ça, c'est vraiment mon gros problème. C'est que j'ouvre les conversations, je les lis, et dans ma tête, je réponds. Ah oui. Mais c'est ça, un problème. C'est la conserveur habituelle, ça. Voilà. Ouais. Kix le sait. Voilà. Je sais pas si tu peux décrire un peu comment je fonctionne. Bah, tu viens de le dire clairement. Voilà. On lui envoie un message, il le voit, et puis après, ah oui, j'ai pas vu, mais je vais regarder plus tard. Puis mais voilà. J'ai l'info. Oui, il a l'info. Et l'air de rien. Ça, non, on le sait pas pour le coup, mais. Vous le savez pas, vous faites des films, mais moi j'ai déjà réglé le truc depuis très longtemps. Non, ouais, c'est vrai que je ghost sans faire exprès, et des fois, c'est pire que ça. Je ghost, et en plus, je me souviens pas de la personne, et 2 ans plus tard. Ah tiens, on s'était parlé sur Instagram. Ah bon, pas du tout. Non, mais fais maintenant une photo de ma tête et ne m'oublie jamais parce que je vais le prendre extrêmement mal. Vous êtes Bon, Kix, c'est une petite anecdote. Bah par exemple, il y a des fois où on a eu des trucs par exemple avec Jadoul, hein, on a eu, je sais pas, par exemple, on était sortis quelque part, n'importe quoi. Et Jadoul là, dans la trappe. Et par exemple, je lui parle d'un événement, je lui dis, tu te rappelles qu'on avait été à tel endroit? Et lui, à chaque fois, il me fait, j'étais avec toi là. Et je démarre toujours par, rappelle-moi, donne-moi des éléments là pour que je... Et c'est chaque fois moi qui dois tout détailler parce que je me rappelle vraiment de tout au détail près. Et lui, il fait, ah, ok, T'es qui? Vous êtes, ouais, c'est ça. C'est juste Jadoul qui commence à le zapper. Ah, ça fait plaisir, ouais, ça fait plaisir. Non, personne s'est jamais fait ghoster. Et bon, toi, okay. Maëva, c'est l'histoire de ta vie ou Ça m'est déjà arrivé une sur fois. Skyblock. Oui. Sur Skyblock. Sur MSN. J'ai l'impression qu'il y a que moi qui m'affiche avec mes chroniques, c'est génial. Mais oui, je me suis déjà fait ghoster. Je pense pas avoir déjà ghosté quelqu'un, mais je me suis déjà fait ghoster, ouais. Non, tu t'es pas affiché en donnant ton Skyblock. Tu l'as pas trouvé. 86 400 non. Secondes. Alors n'engageons pas une seule de notre vie. C'est vrai? T'es pas sur mon Skyblog, arrête. Bien sûr que si. Il existe encore? Non. J'ai des auditeurs qui sont arrivés sur ton Skyblog et qui m'ont envoyé des phrases qui avaient écrit dessus. C'est pas, mais ils connaissent pas. Ils me connaissent pas. T'inquiète pas, on a tout retrouvé, Maëva. T'es dans la merde. T'es dans la merde. C'est pas vrai. Dès 20h sur Gaïef. Ah bah, en parlant de tout ça, voici un bolide allemand avec MDS. Alors, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut annoncer les titres correctement ici? Mais c'est pleuré de Chahi. Bolide allemand avec SDM. Attendez les gars, j'ai perdu le titre en le coupant en fait. Ah bah bravo. Il faut que je remonte. Il faut qu'on le chante et tout maintenant. Oh là, ouais c'est ça. Ça va être beau. Qu'est-ce qu'on fera dans un instant? On va faire les infos qui passent à la trappe. On aura aussi le FaceTime. On va jouer avec toi Kix. Oui, on va faire le FaceTime. Le ouais, FaceTime, ça va être très chouette et j'espère que vous allez trouver. Hein. C'est quoi le principe? Rappelle-le-nous vite fait. Ah, tu me demandes à moi de Ah oui, non, c'est vrai qu'on a fait un jingle de 30 secondes exprès pour éviter qu'il fasse c'est ça. C'est ça. Bon, en gros, allez, je vais quand même essayer de le faire. En gros, j'ai diverses personnalités que je vais vous faire deviner. Et pour vous faire deviner ces personnalités-là, je vais vous mettre à chaque fois 3 sons par personnalité. Et vous allez devoir donc du coup trouver le nom de la personnalité et peut-être gagner. J'ai dit beaucoup de fois personnalité, mais je pense que vous avez compris. Oui, tout à fait. Ouais, le petit. Ça fait ouais, je sais pas comment je vais le faire partir, votre titre là par contre. Bolide allemand ne veut plus venir. Oh bon, non, là, bolide allemand, il est resté chez moi. Il a fait, il a un coup de turbo, il est parti. Et sur si ce fait sur insert, ce ici, je vois Claude qui prend l'air, il profite non, du mais bon laissez temps. Tomber là, les gars. Là, je suis il a une bière à la main, Claude, quand même. Écoutez, les gars, mettez la musique sur YouTube. Hein, vous bon, vous savez quoi machine, hein. Bolide allemand, tant pis, désolé, il est passé. Voici Chez. Ça, c'est plus facile à dire. Chez. Merci. Claude, vous pouvez le redire, l'artiste? J'ai. Allez, santé, hein. Dans un instant, toutes vos séquences préférées reviennent. On est en direct avec vous, 21h50, 20h58. Putain, je sais plus lire. Les gars, c'est bon, j'arrive. 20h58. Bienvenue, c'est la trappe. Kix, je les ai les sons au pire. Hein. On est en train de chercher les sons. Hop là, ils sont là. Et c'est à la bonne franquette. C'est ça le c'est son. C'est bon, je les ai aussi. Ils sont arrivés. Ah, pardon, excusez-moi. Ok, d'accord. Je vais pas te les mettre hein, parce que ça, on va éviter de te les cramer. Hein. Voilà. Mais d'ailleurs, on va te laisser les rênes. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du FaceTime. Vous allez jouer en 3 manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de 3 indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview. Ça peut paraître bizarre. Une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces 3 sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du FaceTime, à table FaceTime. Bon, aujourd'hui, il y aura un peu plus d'enjeu, hein, parce que vous êtes 3 à participer. Du coup, j'espère qu'il y aura un gagnant qui va vite se manifester. Se manifester, oui. Et je vous propose de commencer tout de suite avec la première personnalité. J'ai oublié de préparer mes buzzers. Oui. Michel Drucker. Bonne réponse. C'est merci, très merci, merci, merci, merci, merci. Ouais. Je laisse les autres ou non, on s'en fiche, on continue. Quelle heure est-il? On s'en fout. On s'en fout, ok. Deuxième personnalité, bonne réponse du coup pour Jadoul. Deuxième manche. C'est facile, si c'est un blind test, c'est facile. C'est facile, mais... Bah déjà, ils sont 2, donc c'est lequel? Bah, le plus connu. Bah, ils sont tous les 2 très connus. Ouais. Alors, est-ce que vous avez une idée? Moi j'ai une idée, mais je vais la garder pour moi. Tu buzzes pas? Ah, c'est bien ça. Antoine? Ok, okay. Bon, buzz pas, non. Bon, bah c'est parti, on continue. Hein. Personne? Deuxième indice. Je... Maëva, oui. C'est mon idée première, Miley Cyrus. Bonne réponse. Oh, mais pourquoi Miley Cyrus? Bah parce que dans la une, oui, toi tu pensais. Comment il s'appelle celui qui chante ça? Alors, tu pensais à Lil Nas X. Non, il y a Billy Ray Cyrus, le c'est père ça, de Miley Cyrus qui chante. C'est lui qui chante là. Voilà. Bon, et là, c'est une chanson d'Anna Montana. Ça, évidemment, tu connais. Hein. C'est ça, du coup, ça fait un point pour Jadoul, un point pour Maëva. Et on y va, troisième manche. Ça se trouve, on va faire l'égalité et on va continuer. Salut, moi c'est Joe et je conduis des gens d'un point à un autre. Alors, c'est pas Claude, hein, au cas où. Jadoul, oui, oui. Je pense que j'ai explosé mon buzzer, oui. Vanessa Paradis. Oh, je l'avais enfin, aussi. Mais oui, je le taxi. C'est si simple que ça. Bah bien. Mais oui. Quoi, c'est la bonne réponse? C'est la bonne réponse, oui. Donc ça y est, le jeu est plié. Ah, le jeu est plié, sauf si vous voulez encore continuer avec les deux autres que je vous ai préparés. Quelle heure est-il là? Quelle heure est-il? 21h. Non mais c'est incroyable, je le regarde et je lui demande l'heure, il me regarde. Bah, ça va, on a presque pas de retard. Oui, ça, même là, t'en as partout des heures. On a presque pas de retard. Ouais, mais j'ai une montre qui fonctionne pas et tu le sais. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, prendre au moins 3 minutes? C'est quand même mieux que d'une manche en plus. Ah, Claude, allez, merguez derrière. Oh! Attendez, il faut que. Non, Claude, on n'a pas le temps, c'est pas maintenant. Dites les tiches, vous voulez des merguez? On n'a pas le temps, attends. Mais qu'est-ce que tu veux manger? Claude! On ne comprend plus rien au déroulé de cette émission. Il faut que vous nous laissiez 2 secondes. Claude, qui a failli foutre le feu, on y reviendra dans un instant. Donc, encore une? Non, non, on n'en fait pas encore une. Okay. Bon, oui, je sais même plus ce que je voulais vous raconter. La montre, c'est incroyable. Quelqu'un lui demande l'heure. Il regarde, il fait ah merde, je sais pas lire l'heure. Il montre la montre à quelqu'un d'autre pour que. Mais c'est toi on qui m'a balancé l'heure. En plus. Bah oui, que je t'ai balancé, évidemment. Il l'a fait exprès, j'étais le seul à avoir une montre. Il sait pas lire l'heure. Oui. Bon, allez, vas-y, une dernière manche juste pour le kiff. Allez, une dernière. Vous savez pourquoi je rigolais? Parce que j'ai l'impression d'une tortue quand vous rentrez. Le gars qui a un cou trop long. Christophe Willem. Ouais, bonne réponse, mais enfin. Incroyable. Mais si, c'est comment elle s'appelle elle était jurée à la nouvelle star et c'est ce qu'elle lui a dit. Myriam James. Qui a gagné? Bah, pour le coup, c'est 2-2 là. Oui, mais bon, c'était une manche bonus. Il en reste une. Il en reste une. On peut conclure là-dessus peut-être. Ah, il t'en reste encore un? Une seule, ouais. Mais c'est Kix dans la trappe ici ou quoi? Vas-y, dernière manche. Non, mais je pars de Chine. Ah non, c'est pas ça. Ah, du coup, ah, ça vous laisse une chance à tous les deux. T'es dedans. Je dirais la mère de Kix. Non, je plaisante. Bon, pas d'idée. Pas d'idée. Le mec, il s'est ouvré son micro, mais. Bon, alors, deuxième indice. Bien. Prêt pour le clip de coup de vieux. Arrête. Je suis la ligne jaune. Allez, bien. Ah, c'est facile. Ah, bah oui, t'as plus de buzzer, Maëva. Hein, c'est fini. Ça m'énerve, je sais. Du coup, quelqu'un a une réponse? Ah, les gars. Bon, je le tente. Hein. Oui. Big Flo et Oli. Absolument pas. Bah, c'était génial. Allez, Maëva, dis-le. Eh, non, Antoine, il a pas coupé. Hein. Du coup, Antoine, il peut maintenant. J'ai adoré. Ah, bonne réponse. Je n'ai rien à dire. Ce jeu est complètement bidon. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans la trappe. Les points, ça part dans tous les sens. Me dis, t'es méchant. C'était génial. Ouais, attends, il y a quasi un feu quand même à l'extérieur là. Il faut qu'on revienne dans un instant. On se connecte à Claude pour voir ce qu'il a foutu avec le barbecue parce que il y a des odeurs bizarres ici. Voici Cole Leray. Voici la deuxième heure d'émission. Tous les mercredis dès 20h, c'est la trappe. Souhaiter une bonne journée à tous les auditeurs, auditrices, animateurs, animatrices. Profitez bien du soleil et de la vie et encore longtemps parmi nous. Tu ne seras pas déçu du voyage. Dès 20h, Jadoul et son équipe sur Kev. Découvrez leurs histoires. Ok, on a craqué à la prod. Hein. Là, le générique est parti. Je pense qu'on l'a pris, on l'a massacré, on l'a remixé. On met un peu de tout. Un peu de tout. Je pense que s'ils avaient le cri sous la main, ils l'auraient mis. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Avant les infos qui passent à la trappe, je vous propose quand même, avec un petit accent du nez, de prendre la température. Est-ce que Kix, ça va bien? Ah, mais je vais très bien. Un peu chaud quand même, mais je vais très bien. Il fait chaud dans ce studio. Et je commence surtout à avoir un petit peu faim. 32 degrés, on a faim. Maëva, t'en es où? Nickel, tout va bien, je m'amuse beaucoup. Et Antoine? Entre l'état solide et l'état liquide, mais ça va. Bah oui, ça c'est un peu le problème. Bon, je vous propose quand même qu'on se connecte à Claude. Claude, faire un petit point barbecue. Claude, vous êtes là? Oui, écoute, est-ce que tu peux me dire, parce que tu sais, moi j'ai tout prévu, mais j'ai un peu oublié les instruments. Tu vois les bazars pour pointe, le merguez, les bazars ainsi. Est-ce que tu as une petite fourchette, un bazar? Ah oui, genre une pince et tout. Une pince, oui. Une pince ou autre chose, hein. Une cuillère, on se démerde. Parce que c'est très bien votre coupe mulet, d'ailleurs, on a oublié de le dire, hein, mais Claude a une magnifique coupe mulet. Et des belles lunettes de soleil. Et je suis passé chez Jean-Louis David, hein. Pour toi, rien que pour toi. Hein. Vous avez un beau t-shirt Levi's, j'ai peur que vous le tachiez avec les merguez et tout. Écoute, moi j'ai vu tes panneaux MST Productions ici. Hein, je les ai pris et j'ai, sans m'en donner une idée, je vais lancer Total Merguez Service. Ça s'appelle TMS. c'est pas mal. Ça TMS. Mais non, c'est... Je produis les merguez. Merguez, poulet croque, fricadelle, tout à votre service. Non, mais on n'est pas à une foire ici, Claude. Le principe, c'est que c'est une émission, c'est convivial, on fête la fin de saison, c'est notre dernière. Et t'as pas du pain ou des frites ou quelque chose parce que on a du pain, du pistolet, on a tout ce qu'il faut, Claude. J'ai des brochettes ici. J'ai des bazaires avec des petits machins qui ont bien mariné dans la sauce. J'ai les merguez. J'ai des petits burgers, mais il faut que je puisse les présenter. Tu vois, que ça soit présentable. Dis, les herbes de Provence, tu as ça? C'est moi, j'ai tout prévu, mais j'ai oublié juste ça. T'as pas ça quelque chose dans ton placard? J'ai rien, Claude. On va se débrouiller avec ce qu'on a, d'accord? Allez, on va. Allez, c'est parti pour les merguez. Qui mange quoi ici? Jadoula, attrape, qu'est-ce qu'il mange? Merci. Allez, hop, on se quitte, on se reconnecte à vous d'ici quelques minutes. On va faire les infos qui passent à la trappe d'abord. Non, mais on va vous. Mais faites à manger et faites de tout, Claude. Vous inquiétez pas. Ça sent ici, hein, ça sent. C'est pas très radiophonique, ça, Claude. Ah, c'est pas grave. Merci, Claude. Dans quelques minutes, on va avoir Radio Falminoul. Les infos qui passent à la trappe, c'est maintenant. Et le fallait nous le dire plutôt de Maëva. Oui, je vais. Ben alors justement, je pense que Claude va pouvoir participer. Et si Jean-Michel arrive un peu plus, enfin, on arrive à avoir Jean-Michel aussi, parce que ça va être des choses sur de l'alcool. Pourquoi le col des bouteilles de bière est long? Et j'en ai un deuxième, toujours sur l'alcool. Pourquoi le fond des bouteilles de vin est creux? Voilà. Ok, ben on va voir avec Jean-Michel, parce que il doit être en liaison aussi avec nous. Mais ouais, ça se trouve, ils ont prévu des conneries. Donc ce qu'on va faire, on va intervertir la séquence de Jean-Michel et il fallait nous le dire plus tôt. D'accord, on fait tous la petite modif sur votre conducteur. Et on va faire ça. Allez, voici la première info qui... Au Niagara. Non, pas du tout. Au Nicaragua, une tradition religieuse est célébrée où des hommes s'engagent dans un rituel en utilisant des pénis de taureaux séchés pour s'affronter. Waouh. Super, bon appétit. Vous avez bien entendu, des pénis de taureaux séchés pour s'affronter. Ah, vu qu'ici on est dans l'équipe des mâles bourrés de testostérone, on peut tester. Maëva! Bah, du... Non, pas oui, c'est vrai, je... Mais c'est bon, c'est bon. Deuxième info. En presqu'île de Corzon, en France, le conducteur d'une caravane s'est retrouvé coincé entre deux murs, rendant impossible toute progression. Il était coincé entre les deux murs avec sa caravane. Bon, le propriétaire a fait appel à un garagiste pour obtenir de l'aide. Bon, le garagiste, au moment d'enlever la caravane, il disait « Ça passe, oh !» Mais la chaussée s'est effondrée entre-temps. Oui, il a fait un dog. C'est ça. Troisième et dernière info, un homme s'est retrouvé piégé, encore une fois, dans un arbre au-dessus de la plage des naturistes. Ah, super. Oula. Alors, c'est près de Saint-Malo. Hein. Je vais pas vous prononcer le village, là, ça sert à rien. Après 2 heures d'efforts, les pompiers ont réussi à secourir et le faire descendre en toute sécurité. Ah, imaginez-vous sur place. Monsieur, si vous restez dans l'arbre, il faut que votre slip... Ici, vous êtes chez les naturistes, hein, monsieur. Dès 20h, c'est la trappe. Bon. Ouais. On vous entend, Claude. Prenez au moins votre micro quand vous faites le con. On arrive avec les... Il est incroyable. Et qui dit Jadoul dit... Dja, évidemment. Dja. Wow. On peut changer les paroles, hein, si vous voulez. Bienvenue, on est avec vous en direct. L'émission s'appelle La Trappe, je m'appelle Jadoul. Et tout se passe bien, on se retrouve dans quelques instants. Je ne sais pas ta carte, Dja. C'est pas mal, ton petit karaoké ici. Non, mais il faut pas vous gueuler sur le balcon. Toutes les semaines, votre petite sauterie. Pensez aux voisins. Oh, ça sent bon. Ah, écoute, la merguez commence à griller ici, hein. Ah, c'est bien ça. Merci beaucoup, Claude, pour votre investissement dans l'émission. Ouais, c'est gentil. Je suis là pour vous nourrir. C'est pour ça que je suis rémunéré, hein. Tu vas pas me ghoster quand je vais t'envoyer ta facture, hein, tiche. Ah non, parce qu'on a appris ce que ça voulait dire ghoster avec Maëva, donc Oui, j'espère bien que tu vas me rémunérer. On n'a pas parlé encore au budget, hein. Oui, non, mais ça, c'est pas grave. Okay, écoute, ça dépendra. Tu veux combien, merguez? Allez, dis-moi. On va checker ça plus tard, Claude. Juste avant ça, on se retrouve après une petite page de pub. C'est l'heure d'un grand moment. Oh oui. Tous les mercredis dès 20h. Très grand. C'est avec Jadoul. Dans la trappe sur KIF.

dans la trappe sur KIF. Le fallait nous le dire plus tôt. On va parler de quelque chose qu'on s'est peut-être un jour demandé. Mais je sais pas, c'est bien expliqué comme ça? Oui, non, c'est ça. Une question que personne objets... se pose, mais oui, écoute, il répond quand même. Exactement. Et vu que je sais c'est par rapport à de l'alcool, je me suis dit pourquoi ne pas prendre nos deux experts niveau alcool pour peut-être y répondre. Ils ont peut-être la solution, eux, et voilà. On se connecte à eux. Vous êtes toujours sur le rooftop, Jean-Michel? Oui. Et donc je disais, si jamais tu veux boire encore une bière, n'hésite pas, je peux aller chercher un casier, hein. Dis de qui est-ce qu'elle parle ici, les spécialistes de l'alcool? J'espère que c'est pour nous, hein. Non. C'est pas moi, je n'étais pas. Ah, vous avez ramené les oignons, Claude? Écoute, il paraît que les oignons, ça brûle la graisse et l'alcool. Alors je me suis dit, on va en avoir besoin. C'est bien pour faire des hamburgers de forain, ça. Ça fait pleurer, hein. Oh. Écoute, ça fait pleurer. Je suis très émotif. Et écoute, Tiche, aide-moi un petit peu ici, parce qu'on a de la merguez, on a de l'oignon, on a de tout, et il y a ces brochettes qui sont en train de brûler ici. Ouais, écoutez, ça crépite, hein, écoutez. Hein. Ouais, écoute. Est-ce que vous avez 2 minutes pour essayer de jouer à mon jeu, ou ça ira? Ça dépend, il y a quelque chose à gagner, un bac, deux bac, en orval, un duvel, quelque chose. Jadoul, t'as prévu des lots? Ah non, j'ai rien prévu, vas-y, vas-y, fais les jouer. Alors, est-ce que vous savez pourquoi les bouteilles de bière que vous avez tous les deux dans votre main, elles ont un long col? Un long col? Pour aller jusqu'au fond de la gorge? Bah, vous n'enfoncez pas dans votre gorge, moi j'espère! Non, qu'est-ce que tu entends par le col? Est-ce que c'est le bazar ici au-dessus? La tête, là, le truc fin, oui, long. Où ce qu'il y a marqué masse? Oui, c'est ça. Oui, à mon avis, c'est pour aller, tu vois, servir dans le verre. Le château de loisier. Pour l'orientation, pour l'inclinaison. Ça sent pas se tromper de tuyau quand on avale, hein. Ça fait viser le tuyau, hop, glou, glou, glou. Non, vous n'y êtes pas. Ah. Bon, bah. Mais proposez d'autres choses, Jean-Michel, vous n'avez pas d'autres idées? Pourquoi est-ce que c'est long comme ça? Bah si, je pourrais le dire, mais bon, je risque d'être censuré, alors je m'entends pas me prononcer. On est en direct, j'espère que... Voilà, merci. Non, personne? Moi je pense que c'est long juste pour des raisons de transport. Non plus. Pour l'arôme? Antoine, vas-y, pour l'arôme? Non plus. Est-ce que c'est pour la mousse? Est-ce que c'est pour la fraîcheur? Bah oui. Est-ce que c'est pour c'est pour garder froid? Claude, vous y êtes plus ou moins là. C'est pour garder les bulles bien fraîches. Vous savez ça, ça permet de redistribuer la chaleur de la main en fait quand vous tenez la pierre et pour qu'elle reste fraîche plus longtemps. Ah oui, c'est vrai que si on la tient là où ce qu'il y a la bière, ça réchauffe. Mais c'est ça. Si on la tient au-dessus, ça réchauffe pas. Voilà, exactement, Claude, vous avez tout compris. Et Claudie, t'as vu, gars, quand on met le micro dans la machine, gars? Oh, ça sent bon, hein, Tiche. Attends, la panette, tu sens le gras qui sointe ici. Ça te plaît? Oh, ça me plaît, oui. Ah, vas-y, frotte-toi contre les bergères. La production va adorer que vous ayez salopé les nouvelles bonnettes qu'on vient de recevoir. Ils vont sortir là, hein. Dis, par contre, j'espère que MST a une assurance au niveau des châssis, hein, parce que il y a de la marine. Oh, il y a des dégâts, hein. On dirait qu'il y a une petite gastro ici, hein. C'est énorme. Les gars, on en fait un deuxième? Un deuxième. Pourquoi les bouteilles de vin, le fond est creux? Pardon? Pourquoi les bouteilles de vin, le fond est creux? Oh, bon, ça c'est simple, c'est parce qu'on a tout bu avec Claude. Mais pourquoi est-ce que c'est creux? C'est creux, pose de ces questions. Mais non, mais... C'est le principe de la séquence. C'est pour faire des lunettes? Non. Bon, ça fait mal pour les yeux, hein, tout ça. Lunettes du soleil. Non, moi je dirais que c'est pour, comme tu sais, les camions de lait, c'est pour le transport aussi. C'est ma réponse du soir, c'est le transport. Lui, il n'a que le transport, la bouche à l'optimisation, hein. C'est le producteur ici ou quoi, lui? Attention, oui, c'est un peu ça. T'es joueur, quoi. Attention à votre t-shirt blanc, Claude. Oh, ça c'est mort, hein, Tiche. J'ai déjà mon casque qui est en train de tomber. Et vos cheveux aussi. Vos cheveux tombent. Ah, c'est incroyable. La réponse, Maya. Alors, ça s'appelle la piqûre, ce fond creux. C'est comme ça que ça s'appelle dans le milieu viticole. Et donc, en fait, ça vient de l'époque des Romains, parce que c'était plus facile pour la faire tenir debout. Et au fur et à mesure, pour la création, maintenant, en effet, ça a son rôle dans la chaîne de création, qui est un fond creux. Ça s'emboîte avec par exemple, pour les bouteilles de champagne. Voilà. Ah bon, et aussi pour les sommeliers, pour servir, c'est plus simple à tenir. Ah oui, pour mettre le doigt dedans, là. C'est ça. Tu mets ton pouce dedans. C'est ça. Ah oui, j'ai compris. Tout compris, Claude. C'est un sacré. Voilà, merci, Maëva. Avec plaisir. Dès 20h, c'est la trappe. Voici Tiakola juste derrière. Oh, ça sent bon. On s'est parti, ça sent très bon. Picola. On va venir manger avec vous. Merci de nous suivre. Partout dans Bruxelles, c'est KIF. Partout en podcast aussi. Merci de nous avoir choisi. C'est un peu plus d'oignon. C'est 1h57. Barbecue en direct pour la dernière de la saison. Il faut que les burgers brillent. Oui. Oh mon Dieu. Ah oui. Excusez-moi, on est en train d'entendre le barbecue à l'antenne là. Oh bah c'est formidable, hein, Jadoul. T'imagines, les oignons ils fument plus que Maëva. C'est normal que ça sent de brûler ici. Parce que le mur est en train de cramer un petit peu. Arrêtez, dites pas ça, il y a les voisins qui écoutent que vieux. Il y a en tout cas en train de cramer ici, merde. T'as pas un peu d'après son T'as pas de l'eau. Mets un peu de l'eau. Arrêtez les voisins, vous y croire. Arrêtez. Urban Music Non-Stop, c'est bien. Les délires de la trappe en plus, c'est mieux. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. On fait cette émission dans des conditions extrêmes de chaleur et d'imprévus. Hein. Là, je dois vous dire qu'on doit faire partir le générique de la deuxième heure, en fait. Ah oui, oui, c'est ce que j'allais dire, on a une demi-heure de retard. Après, c'est vrai. À ton aise. Bon, mais... on va partir des trucs. Vas-y, donc c'est la séquence maintenant de... Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je sais pas, ce rire est sorti de moi. J'ai oublié l'espace un instant que j'étais sur ta terrasse en train de faire. Vous voulez bien écouter maintenant Antoine? C'est le seul qui est sérieux un peu dans cette équipe. C'est le seul qui est sobre. Non, en tant qu'un pas, ça va vite changer, hein, Antoine. Il boit un petit coup aussi, Antoine. Hein. Il est à côté petite, de moi. Tu veux une petite moustiche? Allez, vas-y, avance. Je dirais pas ce qu'il y a sous le bureau. On y va. On va parler de quoi cette semaine, Antoine? Eh ben, c'est la tradition. Hein. Moi, je viens à chaque fois qu'il y a des mises à jour dans l'univers Apple. Donc, ah oui, bah oui. Elle a desservi, là. Bien sûr, puisqu'au début du mois, il y avait la conférence annuelle des développeurs Apple. Alors, on en a parlé il y a quelques semaines ici, je crois, du fameux casque de réalité virtuelle qui coûte 3 500 $. Mais Apple a aussi annoncé les mises à jour majeures d'iOS et macOS. Ah. Alors, il n'y a pas de grosse révolution. Hein. Les OS sont maintenant devenus tellement matures que c'est difficile de proposer des fonctions qui sont 100% révolutionnaires. J'en ai quand même sélectionné quelques-unes. Par exemple, sur l'iPhone, quand on vous envoie des messages vocaux, ils vont être transcrits. Donc si vous avez pratique, c'est le sous-titrage. Voilà, si vous avez la flemme d'écouter votre vocal de votre chérie, par exemple, qui dure un quart d'heure, eh bien, il sera transcrit en dessous du vocal. On va pouvoir faire des FaceTime avec son Apple TV. Si vous avez ce petit boîtier connecté sur votre télé et que vous voulez, par exemple, parler à votre famille sur grand écran, ce sera possible. L'iPhone va devenir un réveil sur un petit support. Vous allez avoir l'affichage du calendrier, l'affichage de la progression de votre Uber Eats, par exemple. Ah, comment il faut acheter un petit support en plus, mais ça coûte une trentaine d'euros facilement sur l'Apple Store. On va pouvoir partager une carte de visite en approchant simplement les deux iPhones. Vous rencontrez quelqu'un, vous voulez connaître son numéro, son adresse mail, etc. Il a un iPhone mis à jour. Paf, vous approchez vos deux iPhones et la carte de visite va se partager magiquement. Mais c'est pratique. C'est super pratique. Alors, toutes ces mises à jour vont arriver aussi petit à petit sur macOS, puisque quand l'iPhone bénéficie de mises à jour, en général, ça arrive maintenant aussi sur Mac et sur iPad. Sur Mac, il va y avoir des widgets sur le bureau. Là, c'est macOS qui s'est dit, on va redécouvrir tous les mauvais côtés de Windows Vista. On va mettre des widgets partout. Franchement, c'était pas nécessaire. On va pouvoir partager plus facilement du contenu en vidéoconférence avec, comme si on était sur un fond vert, en fait. Donc si vous avez par exemple un PowerPoint, en fait FaceTime va détecter votre arrière-plan et va essayer d'insérer le PowerPoint entre vous et votre arrière-plan, comme si j'étais sur un fond vert, mais beaucoup plus naturel. Tu sais pas, on va faire un PowerPoint pour faire des barbecues ici, c'est en train de cramer. Voilà. Et alors, sur Safari, là, on va pouvoir transformer un peu n'importe quel site en application et faire des profils pour séparer les onglets perso des pros. Alors, il y a aussi une grosse nouveauté, c'est qu'on peut déjà le tester maintenant, en fait, iOS, macOS. Ah, génial! Avant, il fallait payer 99 $ par an pour bénéficier du compte développeur. Maintenant, c'est gratuit, mais attention, il y a quand même pas mal de bugs, la batterie de l'appareil qui fond, les chauffes d'appareil, des apps qui ne fonctionnent plus. Et attention aussi, il y a quelques appareils qui ne supporteront pas les nouvelles versions. Donc, par exemple, les iPhone 8, 8 Plus, 10, le tout premier iPhone sans bouton Home ne supportera pas iOS 17. Et puis, si vous avez un Mac, il faudra qu'il soit au minimum de 2018. Ouais, mais en fait, ça donne pas envie. J'allais justement te poser la question, du coup, moi, je peux ou pas? Tu as quoi comme... Bah oui, tu veux faire fondre ta batterie, vas-y. Le X quoi? Le X, non? Ça doit être un 10R et il doit être compatible, à mon avis. Ah. Il sera compatible, donc tu pourras mettre à jour. Jadoul le tien sera mettable à jour. Et je pense que le reste de l'équipe, Jean-Michel, Claude, vous pourrez mettre à jour vos iPhones. Parfait. Et ça risque pas de le ralentir, etc. Il va supporter. Si, c'est bêta. Hein. Ben, oui, maintenant c'est bêta, mais si vous attendez septembre quand la version finale sortira et que votre iPhone dira coucou, il y a une mise à jour qui est disponible, là ce sera quand même un petit peu plus safe. Okay. Bon, les gars, je viens de me rendre compte qu'on a deux blindquettes à faire en une heure là. Ouais. Bon, ça va être très rapide. Les pires reprises de TikTok arrivent dans un instant. Merci Antoine. Avec plaisir. Dès 20h, c'est la trappe. Piranha avec Nahir maintenant. Il est temps de démarrer notre troisième et dernière heure d'émission. Alors, tu croyais que c'était tout ? Attends. Jadoul. La trappe a décidé. Jadoul. De prolonger. Dès 20h. En direct, Jadoul et son équipe dans la trappe. Jadoul. 22h07, merci de nous avoir choisi. L'émission s'appelle La Trappe, c'est la toute dernière de la saison. C'est peut-être la toute dernière tout court. C'est peut-être notre dernier jour en vie. On n'en sait rien. Il faut vivre au jour le jour. Voilà, j'ai plombé l'ambiance, non ? C'était très philosophique, Jadoul. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Dans quelques instants, on va se reconnecter à Claude. Ah putain, on a beaucoup de retard dans cette émission, Maëva. Hein. Oui, bah oui, bah après c'est la dernière, donc je vais pas être chiant cette fois-ci. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous là d'un petit peu léger ? Ah, on va faire le top 5 des pires vacances. Ah. En numéro 5, en vacances en Tunisie, j'étais au spa de l'hôtel pour un soin. Une fois que je suis en maillot de bain, la jeune masseuse me dévisage et me dit « Tant t'aimes la bière !» J'ai pris un peu plus de 10 kilos depuis le Covid. Donc la masseuse s'est dit, tiens, le meilleur commentaire à faire, c'est Totem leur bière. Ça me vexerait très très longtemps. Numéro 4, à peine arrivé en vacances chez mes parents, nous apprenons le décès d'un proche. Pour l'enterrement, le seul eau de couleur sobre dans mes affaires avait écrit sur le dos « L'enfer, c'est moi en paillettes ». La pire tenue. C'est la pire tenue quand même. Mais qui achète ça déjà ? Mais je sais pas. Numéro 3, mon compagnon me dit finalement que ses congés sont annulés. Le motif, priorité aux employés qui ont des enfants pour les vacances scolaires. Il n'a rien dit à son patron. Alors qu'il vit avec moi et mes deux filles de 10, 12 depuis 3 ans. Ah, super. Sympa. Son patron était même pas au courant. Hein. C'est génial, ça fait 10 ans quand même. Numéro 2, j'ai organisé une... Alors, je sais plus lire, il fait noir en fait, dans ce studio. Vous avez remarqué, hein, la luminosité oui. baisse. Il faut aller près du barbecue, près de la flamme. Oui, c'est ça. Non, c'est électrique. Numéro 2, j'ai organisé et payé des vacances à tous mes amis. Au moment d'y aller, l'une de nos voitures a lâché. Ils ont décidé que ce serait moi qui les rejoindrais en train, à mes frais. Alors que j'avais déjà tout payé. Oh. Ah bah quand on a la bonne poire, c'est jusqu'au bout. Change d'amis. Bah conseil, change d'amis. Numéro 1. Première vacances à l'autre bout du monde avec mon chéri. Pour nos 2 ans de relation. Après plusieurs heures dans l'avion. Et une fois arrivé sur place, il me quitte. Les vacances risquent d'être très longues, très longues. Mais faut faire ça avant, faut faire ça après. Mais faut pas faire ça au début. Pendant. C'est où la fin, mais... Non, faut pas le faire tout court. Les amis, encore une grande émission qui continue. 2000 watts de puissance sonore et 15 000 watts de puissance lumineuse à votre disposition. C'est parti, hein. C'est parti, hein. C'est parti, hein. Dans quelques instants, ce soir, c'est Jadoul qui pilote. Le Blaine Clet arrive. Ah. C'est la trappe. Juste avant, voici The Weeknd. Avec beaucoup de retard, il est temps qu'on démarre la Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. Attends, on profite du bed pour la dernière. Ça va trop me manquer. Franchement, c'est mon moment préféré, cette chanson, ce bam d'un coup. On a compris. D'ailleurs, sur ton contrat, t'as dit « Je ne veux venir que pour cette séquence ». Non, c'est pas vrai. C'est pas impossible. On va jouer avec aussi... Ah oui, j'ai oublié, notre huissier de justice. Ce n'est pas Maître Le Feu, car Maître Le Feu a été embaumé. Enfin, j'en sais rien. Il a été remplacé par une vedette. Une grande vedette. Ah. On ne maîtrise pas. Maîtrise pas, je suis l'huissier du choix. Pour le petit Jadoul et toute son équipe. On maîtrise pas, la la la la la la. Je suis votre huissier et vous allez m'aimer toute la vie. Ouais, pas précis le jingle quand même. Maîtrise pas, vous allez bien ? Moi je vais très bien. Voilà, criez moins fort. Mais approchez-vous de votre micro. Je vais très. Oui, mais j'étais chez Radio Familiale et ils m'ont tout appris les codes de la radio. J'ai connu tout. Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez, on démarre. Antoine joue, Maëva joue, Kix, tu joues. Oui. C'est parti, voici le premier extrait. Queen. Oh. Antoine a gagné. C'était effectivement Queen. Version TikTok. un chef-d'œuvre. Une petite pastille pour la gorge, peut-être. Ouais. Oui, oui, oui, ça fait mal. Le point va à Antoine, maîtrise pas. Oui, c'est bien, ça. Et je rajoute dans le jeu Claude qui peut jouer avec nous dans le Blenklet. Hein. Vous avez compris le principe, les pires clettes de TikTok? J'ai rien compris, Tish. Moi, j'ai juste entendu des gens qui dansent ici. Vous voulez vraiment que je perde, en fait, c'est ça? Oui, oui, on va tous se mettre contre toi. Je perds, hein. Claude, vous jouez, vous devinez titre artiste aussi, oui, avec nous, d'accord? Je vais gagner, je te préviens. Ah bah attention, on y va. Formidable. Moi, formidable. Ah, je suis désolé, Claude l'a dit avant vous. Formidable, j'étais fort. Effectivement, c'était Stromae. Les gars, me calez même pas les sons. Allez, voici l'intro. Bon allez, on va écouter le refrain sur TikTok. Formidable. Ah, il a été chez Radio Falminioul, je crois. Formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Et il a des sursauts quand même, le garçon. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Ouais, merci. Maîtrise pas les points. En ça fait un point pour Antoine et un point pour Claude. On maîtrise pas, maîtrise pas. Merci. Voici la manche suivante. C'est ton copain, Maeva. Tu n'as jamais dansé aussi bien que ce soir. Je regarde briller. Christophe. Non, pas Christophe. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as jamais. C'est Jérôme. Ah oui. Ouais, le titre. Et tu danses avec lui. Et tu danses. Oh là là. La tête sur son épaule. Je veux devoir faire un slow avec Claude sur ce titre. Côté, je te veux bien laisser me terminer mes mercredis. Non, c'est compliqué. Moi, je me rappelle quand même de la mère de Kix qui chante ce titre, mais on va pas le rediffuser. C'est disponible dans les méandres du podcast. Merci TikTok. Et tu danses avec lui. Autre ambiance. Hein. Abandonnée heureuse. Tu as toute la nuit. J'ai envie de partir. Ah oui, non. Il y a toujours un slow. Voler ton sourire. On va peut-être en rester là. Merci Daddy. Daddy Miles qui s'appelle. Enchanté. Voilà. Allez, on se fait un plus récent. Voici. On entend le barbecue toujours de Claude en fond, c'est exceptionnel. Claude, vous jouez avec nous, hein. Vous êtes. Vous avez un point, je pensais ça. Maîtrise pas les points. Oui, Claude, il a. Maîtrise pas. Et moi, j'ai 6 points, les gars. Et je sais pas quel est le paysan là qui compte les points dans le coin, mais moi j'ai 6 points. Ouais, ça va, oui, ça va, et oh, le paysan, et tout va là, avec le chauchichet et merguez. Tu veux tes merguez? Tu les veux tes merguez? Moi je les fais mieux que ça, les merguez. Moi ça vient de chez moi, ça. Tu te les veux tes merguez? Donne-moi 6 points. Ouais, c'est bon, arrêtez, ne vous disputez pas à l'antenne. Ça va malade. Avant-dernière manche, silence, arrêtez de tout casser, avant-dernière manche. Christophe? Non, arrêtez avec Christophe, putain. C'est Jérôme? Non. Claude Barzotti? Ouais, madame. Ah! Exactement. À vous, madame. Merci, Claude. Et quand je pense à vous, madame. Arrêtez, Claude, je vais laisser votre micro. C'est dans l'actualité. Exactement, bah bravo. Hein. Oh pardon. Il a chuté. Ah, c'était une belle chute, hein. Bien droite. Didier est tombé. Voici la dernière manche de cette première manche de cette première salve de Blenklet. Allô, Beyoncé. Bonne réponse, c'était Allô de Beyoncé. Eh, ça c'est fort. Et ces tocards me les ont pas mis au nouveau refrain. Mais j'en peux plus. Ah, j'ai l'intro. Ah, on est ravis. Elle est très longue en plus. En plus, on est aidé avec ça. Oh là, ça y est, ça démarre. Maeva, tu nous le fais? Non, mais ça va faire un Blenklet aussi. Qui a gagné? Maîtrise pas. Moi, attendez. On maîtrise pas, maîtrise pas. J'en ai marre, ça fait 3 fois que vous me coupez, hein, mais c'est jaloux. Oui, mais vous avez un jingle, on va le rentabiliser. Hein. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4. Ah non. J'ai rien compris. Qui a gagné? Qui a gagné là? Bah, c'est Antoine. une soupe au poireau. Exactement. Il a bien tenu, hein. Ah, il a bien tenu. On parlera de lui dans un instant si on a un petit peu de temps. Le perdu sur l'internet arrive et plein d'autres surprises, mais comme on est tellement à la bourre, je sais vraiment pas ce qu'on va pouvoir caser dans cette émission, mais ça va se passer en direct. Merci de nous avoir choisis. On est là et on ne vous lâche pas jusqu'à 23h. Des 20h. Et des poussières. C'est Jadoul sur KIF. On passe une très bonne soirée avec vous. Merci de nous avoir choisis. 22h23. On retrouve Claude en direct. Alors Antoine a été rejoindre Claude. Alors ça va, le service est assuré, tout va bien. Écoute, tu préfères la moutarde ou le curry ketchup toi? Ah mais moi vous me faites la totale, Claude. Tu veux un total, tu veux du petit cheddar aussi? Oui, tout, les oignons grillés, tu vois, il y a des oignons. Oh, il y a des oignons grillés ici. Oui, c'est ça. J'avais pas ça, j'ai la totale, ce sera non, génial. Non, ça c'est à moi, c'est mes pots de coude. Jean-Michel, mes pots de coude. Il faut apprendre à partager un petit. Incroyable. Bon les amis, il est temps de faire une grande séquence encore. Si vous trouvez que les soirées sont longues, vous trouverez le mercredi soir très court. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Enfin ça c'est si je retrouve ma feuille, hein, parce que vous connaissez mon bordel habituel ici. Aujourd'hui, on va retrouver notre séquence. Vous êtes perdu sur internet. Et je ne vais pas vous présenter un youtubeur ni un quelconque autre vidéaste du web. Je vais vous présenter tous ceux qui ne sont pas passés cette saison dans cette séquence. Ah, et c'est quoi du coup? Ah bah du coup, on va avoir une pensée pour ce monsieur qui passera jamais dans l'émission. Bonjour mes amis et bienvenue sur la présentation de ma nouvelle chaîne YouTube, la chaîne des seniors. Et oui, il passera pas lui. Par exemple aussi cette séquence tellement chiante qu'on a même pas voulu creuser dans ses vidéos. Bah, c'est né d'une envie finalement de décoder un peu de l'actualité, c'est de pouvoir discuter avec vous sur les réseaux, d'en parler et surtout d'échanger avec des invités sur des thématiques bien précises en lien de près ou de loin à Charleroi. Ah Charleroi, le mot clé est donné donc ça va. Troisième, c'est une sportive je pense. Hey, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va parler de préménopause, ménopause et andropause. Oh chouette. Et voilà, n'hésite pas si tu as besoin de laisser des petits commentaires, si tu aimerais qu'on parle de quelque chose plus précisément. Ouais, et ce jeune homme aussi. Alors pourquoi Clément? Bon, je pense que ce n'est pas très difficile à deviner. Je m'appelle Clément, ma passion c'est la chasse. La chasse en anglais ça donne hunt, donc le petit jeu de mots Clément que j'apprécie particulièrement. Alors, qu'est-ce que je chasse et où je chasse? Ah, on veut pas savoir, vraiment. Hein. Il y a aussi ce gars qui passera jamais dans la séquence. J'ai décidé de créer une chaîne spécialisée sur le vélo qui s'appellera Pédalage à tout âge. Oh, bah c'est super, il y a aussi ce bobo qui se pose trop de questions sur la vie. Bonjour, ça fait 4 ans que j'ai rencontré Barbara. On est en pré-réunion, on n'est pas encore en réunion, parce qu'il y a encore des choses à régler. Mais on se rapproche quand même tout doucement, on est quand même paxé, on est quand même marié au Mexique, donc il y a quand même des choses qui ont bien avancé là-dessus. J'attends de vos nouvelles et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous dis à bientôt. Non, on le fera pas. Il y a aussi ces deux ados qui sont en bagnole alors qu'ils ont que 13 ans. Yo l'ami, on espère que vous allez bien. Donc première vidéo sur notre... Salam. Ah bah pareil, tout pareil. Hein. Il y a aussi ce monsieur qui a l'air très gentil. Bienvenue à vous tous et à vous toutes, connus et inconnus. Au hasard donc des vidéos, je vous parlerai un peu de tout, hein, peut-être du racisme, de la politique, de mes expériences, peut-être aussi de ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, les enfants, les curés, etc. Hein. Donc, mais j'espère que cela vous donnera un peu de sourire. Non, bah non, en fait, c'est tous des sujets qu'on ne peut plus aborder en 2023. Hein. Et puis sinon, il y a ce passionné avec son magnifique nom de chaîne. Bonjour, je m'appelle Boris Huguenel et je suis le créateur de cette chaîne YouTube qui s'appelle La peinture à l'huile, c'est pas difficile. Ah bah ça donne envie. Ça, c'est très court. Ça, c'est un titre accrocheur. Et puis, il y a cet enfant aussi qui se lance sur YouTube. Salut les amis, c'est Yoann YouTube. Bon, si vous aimez, si mauvais. Non, mais... Pourquoi je me trompe là aujourd'hui? Je suis vraiment fatigué. Il nous a fait un démarrage à la Kix, on peut le réécouter. Salut les amis, c'est Yoann YouTube. Bon, si vous aimez, si mauvais. Non, mais... Pourquoi je me trompe là aujourd'hui? Je suis vraiment fatigué. Oh bah oui, fatigué, et pas que ça, hein, parce que y a même le lancement qui est pas facile. Hein. Et bah demain, on va faire une vidéo chez lui. Où On va faire deux personnages. Ils vont s'appeler Marc et Jean. Ah, chouette. En plus, vous le verrez en vidéo. Allez, ciao. En vidéo, incroyable. Il faut diminuer la drogue. Ah, c'est fou. Les 20h, c'est la trappe sur KIF. Mais qui est-ce? Est-ce que c'est Claude? Et tu as pas faim, toi, ici? Oh, ça, oh, c'est bien chaud dans votre studio, hein, Laetitia. Ah, il fait chaud? Dis, je t'ai mis un petit peu de fromage. J'espère que tu n'es pas intolérant au lactose. Non, c'est magnifique. Merci beaucoup. Tu sais où sont les toilettes, sinon? Oui. Et puis au-dessus de la console, je sais pas si c'est une bonne idée. Voici B.O.B. Claude, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez ramener une petite serviette à Maëva parce qu'elle a bouffé vos burgers? Là, écoute, elle m'a partout. Moi, je mets un plein de ketchup ici. Je cherche les commandités. C'est pas compliqué. Merci beaucoup infiniment, Claude, pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Un petit jeu. On a entendu le jingle, Claude. Il est incroyable. D'ailleurs, vous pouvez jouer avec nous, hein, Claude, hein, si jamais vous êtes inspiré. Non. C'est encore un blind test que tu veux sortir ici. Non. C'est le jeu du... Je dis non. Vous avez compris le principe? Je dois dire non. Donc ça veut dire que... Je dis non. C'est non. La chute de toutes les phrases qu'on va faire. Ça veut dire qu'il y a une bande son. Je dis non. Na na na na na na na na na. Je dis non. Courir à poil sur mon grand balcon. Je dis non. Tu comprends? Voilà. Ah oui, ok, d'accord. Tu vas faire des petites musiques ici. Bon, d'abord, observez toute l'équipe faire, et puis si jamais vous en avez, hein, si ça peut vous venir, on sera ravis de l'entendre. Maëva, tu poses ta bière et ta clope et on y va? Mais non, j'avais qu'une bière là. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé quand on se met. Allez, lissons où mes jeudis non, les amis, où? Ah. Il a encore mélangé toutes ses fiches, hein, celui-là. On dirait Thierry Ardisson. Quand il doit dire quelque chose, il sait plus, hein. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit parce qu'on me parlait dans le casque, mais je vous ai l'œil. Ah oui, on y va. Tout le monde est prêt? On va tourner dans le sens de la table, ça vous va? Ok, parfait. Ouais. On y va. Je dis non. Mettre le même t-shirt toute une semaine. Je dis non. Être en panne d'inspiration. Je dis non. Un apéro où il n'y a pas de saucisson. Je dis non. Draguer la belle femme du patron. Je dis non, je dis non. Je dis non. Je dis non, non, non, non, non, non, je dis non. Laisser ton chien seul dans la voiture. Je dis non. Un dîner rien qu'avec du poisson. Je dis non. Boire avec une paille en carton. Je dis non. Avoir des clopes si t'es pas fumeur. Je dis non. Oh, c'était à moi. Oh, pardon, je l'avais pas vu. C'est pas grave, on continue, vous en avez encore un petit peu? Oui. Un chacun? Allez, on y continue. Je dis non. Te dire millionnaire si t'as pas un rond. Ça rentre pas. Qui m'a écrit ça? Ça ne rentre pas. Te dire millionnaire si tu n'as pas un rond. Ok, bah j'en fais un autre. Je dis non. Prendre des nouvelles une fois par an. Je dis non. Trop écrire de points d'exclamation. Je dis non. Ouais. La carbonara avec des lardons. Je dis non. Rester bloqué dans un ascenseur. Je dis non. Je dis non. On va voir si Claude en a un. Je dis non. Je dis non, non, non, non, non, non, je dis non. Non. Il a définitivement dit non. Je crois qu'il est au chiottes. Bah, merci, c'était encore très joli, bravo. Jadoul, dès 20h sur KIF. Allez, voici un classique encore. Et juste derrière ça, on fait plein de surprises, on a plein de trucs à faire encore. Oh là là, barbecue party, dernière de la saison, on l'attrape, Jadoul, pour vous servir. Des chauffeurs dans Bruxelles, et la soirée est longue. Avec la trappe, la route passera beaucoup plus vite. Jadoul, dès 20h sur KIF. Il est temps de refaire un point. J'ouvre les micros, je vérifie que tout le monde est toujours là en direct de notre rooftop barbecue de fin de saison. You. Ah, vous le revoulez? C'est l'émission des caméras cachées, ça? Non, c'est... Oui, on se l'a approprié pour votre séquence. Ah, c'est ces caméras, c'était caché, oui. Rigole bien. Oh, bon ça. Et elle est bonne en bière. Oh, hein. Mais t'en as bu que 6, moi ça m'inquiète un peu. Oh non, j'en ai bu. Alors, j'en ai déjà bu 12, moi. C'est parce que je vois double. Oui, tu vois double, tu vois plus clair. Oh mon Dieu, je reviens quand même une petite tournée. Est-ce que tu veux un peu de fromage sur ton burger? Bon, retour sur la quête de Claude, un ami de l'émission. Il cherchait un job pour cet été. Oh, alors c'est bon, Claude, mon taquette. On l'a. Est-ce qu'il servait à poser le micro dans les oignons ici? Les gars, on en direct. J'ai mis le micro dans les oignons, il y en a partout. Oh là là là. Ça, il faut lécher, hein, il faut pas gaspiller. Hein. Lèche un petit peu ton micro-tige. Oh, mais enfin l'hygiène. Arrête un peu de t'inquiéter, hein. Les germes. Bourre-toi la panse avec ça, hein. J'ai des brochettes et j'ai tout ce qu'il faut ici. Je connais juste les germes, mais elle travaille chez Chevauchoir, ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Et c'est récupérer des oignons aussi. Voilà. Ah non, ah non, merci, ça va. Non, merci, c'est bon, c'est bon. Hey, j'ai prévu des numéros aussi, hein. Des petites performances. Il y a du Danny Lévy. Il y a du Patrick Sébastien. Il y a du grand show ici. C'est les vedettes. Bah super, allez-y, Claude. Faites votre show. Ah, c'est magnifique. Mais c'est pas du tout radiophonique, les amis. Écoute, pardon, je sais pas, je connais pas les codes, moi, ici. Allez, un autre numéro. J'ai des gros morceaux bien gras de viande rose. Hop, je l'enfile. Hop, hop. Et voilà, c'est une brochette à filet Turner. Oh non. Oh, ça c'est pas gentil, c'est horrible, Claude. Écoute, je confirme qu'elle n'a pas tenu, hein, cette nana. Bon numéro radiophonique, qu'est-ce que le Claude Show peut encore vous offrir? Ben je sais pas, surprenez-nous. Écoute, j'ai une idée de happening ici, hein. On est près de la tour de la RTB, là, à Mézières, donc tu me confirmes qu'on est bien en direct, Jadoul? Ah oui, oui, on est bien en direct, 22h41, donc on est vraiment en full direct. Sans donc, filet, là, c'est on est en direct. Sur toutes les automobiles, là, on est près du boulevard Hirsch, chaussée de Louvain. Oui. Il y en a au moins un qui nous écoute, j'espère. Que vous êtes près de Mézières, près de la chaussée de Louvain, vous êtes près de Master Frites, hein, les établissements connus, hein, le Salvarino qui a fermé, vous savez, ça c'est une mauvaise nouvelle. Hein. Claude, Claude, le Salvarino a fermé. Hamburger. Bah oui, ça c'est triste, hein, ça c'est triste. Hein. Bah, si vous êtes branché là, vous faites. Vous faites. Qu'est-ce qu'on fait? Ben écoutez, on va faire une expérience. Si vous êtes près de Mézières et que vous écoutez KF, à 3, 2, 1, vous klaxonnez. Mais non, on le tente. On fait l'happening. Allez, j'espère qu'il y a au moins une bagnole qui est branchée sur KF. Oui, il y en a bien une. Hein, allez, si vous êtes près on teste. De... 3, 2, 1, klaxon. La gueule. Ok, je pense que... Non, merde, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas... Vous voulez peut-être le retenter S'il y a des automobilistes qui écoutent KIF là sur Bruxelles, en ce moment, vous êtes dans la voiture, pas loin de la chaussée de Louvain, pas loin du rond-point Mézières, nous sommes en direct en haut d'un rooftop juste à côté. Faites plaisir à Claude, klaxonnez à son 3-2-1, allez-y Claude. Et si tu le gagnes, tu gagnes un burger. Hein. Ah c'est vrai, on a des gratuit, burgers, hein, c'est vrai. Gratuit, hein. Allez, tu klaxonnes, 3-2-1. Oh, bah, je crois que c'est mort hein, Claude. Ça va pas marcher. Hein. Est-ce que les gyrophares bleus, ça compte ou pas? Ah non, ça compte pas. Dès 20h sur KIF. Ah, j'ai l'impression que ça n'a pas marché encore ce délire là. Oh, je suis trop triste pour eux. Ben ouais, parce que ça partait d'un... D'un bon sentiment? Ouais, ça partait d'un bon sentiment. Une bonne initiative pour une fois. Mais ils se sont encore fait engueuler. Hein. Allez, attendez. Toi, ta gueule quand je parle. Jadouli est ta voisine ici. T'es pas content pour le barbecue. Hein. Ah, c'est 50 Cent. Et énorme classique. On va se le faire jusqu'au bout. Ah bah y en a plus. Bienvenue, on est en direct, l'émission s'appelle La Trappe. Si vous trouvez que les soirées sont longues, vous trouverez le mercredi soir très court. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Je ne sais absolument pas comment est-ce qu'on va finir cette émission. Là, il nous reste encore un quart d'heure à tirer. Ça part dans tous les sens. Il y en a partout. Il y a du ketchup sur mes feuilles. Il y a des oignons sur la console. Mais c'est il y a des poivrons dehors. Mais moi, j'étais persuadée que Claude ne trouverait jamais de job pour cet été. Mais le burger était absolument délicieux. Ah, quand même quelqu'un qui reconnaît mon art. On tient quelque chose. Il, hein. il pourrait tenir la buvette de la trappe. S'il fout pas le feu. Écoute, j'ai décidé d'investir. Je me suis acheté une petite baraque, tu vois, un petit, comme les jeunes ils disent, des food trucks ici. Ah oui? Et voilà. Et dorénavant, je serai à la place de Padua. J'ai pris le job de Patrick. Ah ouais? Eh ben pas mal. Bravo, Claude. On vous félicite. Il en a rien à foutre. Écoute, je suis concentré, moi, ici. Oui, pardon, c'est un art. J'avais compris et j'avais oublié. Bon. Ok, très bien. Est-ce que dans l'équipe, vous vous souvenez tous de David? Oui, on l'aime beaucoup, on le diffuse tout le temps dans l'émission. Et il nous avait marqué cette saison, ta gueule, avec ça. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Et la version était. The coconut cream is a giant cream. If you eat too much, you get very fat. Merci beaucoup. Alors si vous le connaissez pas, c'est un TikToker qu'on avait découvert dans le Blanklet. Il chante, il aime la musique. Et pour chanter, il faut... De la joie. De la voix. Oui, de la voix. Une voix, mais aussi un... Un charisme. Mais non. Un micro. Un micro, une boxing. SM7B, sûr, je parle bien anglais, hein. Oui. Mais voilà, bon, les réglages sont pas encore parfaits, ils s'attirent beaucoup encore, ils sont dans le rouge. Mais quand ils s'attirent pas, le micro, j'ai pas un bon retour dans mon casque, donc j'aime pas trop. Ah. Là, je laisse saturer un tout petit peu, et comme ça, ça me permet de m'entendre. Ah, super. J'essaie de faire des bons réglages avec mon frangin quand il viendra bientôt. C'est parti, go, on y va. Oui, parce que c'est vrai que ça sature pas du tout. C'est parti, go, on y va. Allez, on chante pour essayer ce micro, David. Chocolat. Création personnelle. Ouais, c'est pas mal. Et verdict alors de ce nouveau micro, il en pense quoi? Parce qu'on sait pas, le SM7B était-il chouette? Qu'est-ce que je dois en dire? Eh bien déjà, il ne m'a pas convaincu. Ah. Il coûte un prix assez cher, plus de 300 euros. Et le son, avec mon compresseur audio DBX-186S, n'est pas subjectivement convaincant. Oh merde, oh bah c'est con ça, vraiment, là on est triste. Vraiment, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour votre micro. Et donc je vais le faire rembourser. Ah oui. Voilà. Pour acheter était un autre micro statique. C'est que je préfère largement ce micro. Ce micro-là, vous savez, c'est un micro Shure, un Beta 58A. Mm. Il dit ce micro pour chanter Optique 2000. Ah oui, c'est précis, hein. Et, oui, et qu'est-ce qu'on peut en faire, en fait, de ce micro? Parce que moi, je suis content, mais votre Beta 58A, moi, ça me dit rien. Est-ce qu'il a bien marché dans votre carrière, David? C'est un micro 100 fois mieux, même s'il est bousillé, regardez. Vous voyez, il est complètement niaqué, tout noir. La ferraille a été... rouillé par ma voix, quand je postillonne, ça doit faire de l'eau, et ça se transforme en rouille. Oh. Donc, avec le temps, mon micro s'est rouillé. Comme Claude. Je pense que le micro de Claude a vécu les mêmes traumatismes. Moi, je trouve qu'il a raison. Ça marche pas, ce machin-là. Il a la bouche pleine. Écoute, pas mauvais, hein. Finalement, cette misère, mais Eva, elle a raison. Ah bah, oui, bon, bravo pour vos hamburgers. Bon, alors, est-ce qu'il peut chanter avec son nouveau micro, là, le Beta 58A, j'en sais rien, là. Une chanson, David? L'amour a des limites, vague et insondable, et votre cœur crépite, de nouveau indomptable. Ah, c'est beau, je pleure. Un regard, une yame, et vive la chamane. Oh, pardon. Vraiment, ça a encore glissé, je... Désolé. Bon bah merci beaucoup David, voilà, vous avez des nouvelles de David avant les vacances. Très sympathique. Ah bah oui. Et bonnes vacances David. Ça fait plaisir. Sur Gaïef. Vous avez tous décidé de parler sur le jingle. Oui. Mais tu nous laisses pas le temps d'en placer une. Vas-y, dis quelque chose. Ça fait plaisir. Jadoul, sur Gaïef. Rien à rajouter, ça va? Allez, c'est bon. Merci de nous avoir choisis. Dans quelques instants, deuxième partie du Blind Clet avec Maître Ishpa et plein de belles surprises. Bref, on n'a pas fini de se marrer. Jadoul, dès 20h sur Gaïef. Là, c'était la bonne, voyez. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Angela. Ah bah non. Sagan Soupacro. On va écouter David, fils de Momon, en entier avec son nouveau titre, Je ne cherche que le bien. On l'écoute en entier ce soir sur Gaïef. Nouveauté. Que le bien du prochain, je ne trouve que du bon, même chez les pires des cons. Vous m'êtes tous les mêmes, vous êtes charitable, vous êtes tous capables d'être bien confortable. Je ne veux que le bien chez les autres, vous êtes tous gentils, au travail des fourmis. Vous m'êtes tous les mêmes, vous êtes charitable, vous êtes tous capables d'être bien confortable. c'était le nouveau titre de David, fils de Momon, qu'on vous a diffusé en intégralité. C'est pas une blague. C'était trop fort, trop bien. Faudrait le prévenir qu'il est quand même passé à une radio. Allez, deuxième titre de lui. Alors, quel est le deuxième qu'on mettra? Non, on déconne. Voici le retour de la vraie programmation musicale. Les 20h, c'est la trappe. Quoique, sur KIF. Moi, je serais pas contre. Ou alors, un featuring. Genre Black Eyed Peas featuring David, fils de Momon. Ah ouais, peut être sympa ça. Les amis, il se passe quelque chose, 22h56, il est l'heure normalement de démarrer la Music Machine, le Blanklet, pour la deuxième partie et la dernière séquence de cette émission. Je vous cache pas que j'ai pas envie, parce que si on démarre une dernière séquence maintenant, ça veut dire qu'il y a plus de musique derrière. On rend l'antenne après le Blanklet et c'est terminé quoi. Non. Et je vois qu'il y a un bon Black Eyed Peas là qui arrive. Ah bah oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait durer le plaisir. Mais une petite page de publicité, on lance les Black Eyed Peas et derrière ça, on fait le Blanklet, ça vous va? Non, on fait plus rien nous. Bah comment ça on fait plus rien? Ah mais ça va, ok. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je pensais qu'on allait faire un truc là maintenant. Bah ouais, on va écouter une pub et puis derrière ça tu vois. C'est nul. Blanklet. Ok. Mais c'est pas n'importe quelle pub. Ah. La page réclame qui va suivre. Bonus. Vous êtes offerte par Radio Falminioul. Vous cherchez une entreprise régionale spécialisée en travaux du bâtiment. Team Création, entreprise familiale, avec ses trois patrons sur chantier, c'est l'expérience et le savoir-faire en activité dans les domaines suivants. Soins, beauté des mains et des pieds. Vous trouverez également bol tibétain, tambour unisson, bracelet de lithothérapie, lampe de sel, fleur de bac, savon la bulle de Maryse. La devise de Team Création, travail de qualité, et soirée à thème sont nos priorités. Pour renseignements, études et devis, formez le 0 479 63 95 60 00 27. Numéro d'appel de Team Création, 27 rue Grande à Bazecle. Également joignable par courriel, levegascafe@outlook.com. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Merci, dans un instant. 2000 watts de puissance sonore et 15 000 watts de puissance lumineuse. Le Blanklet à votre disposition va redémarrer. Mais on a juste un petit détail à faire avant. C'est les Black Eyed Peas maintenant. Gotta get them. Waouh, il fait du bien ce bon Black Eyed Peas pour terminer l'émission. C'est notre dernier titre. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. Dernier Blanklet, dernière, tout court, dernier, voilà, c'est fini, quoi, c'est terminé, les gars, hein. Là, c'est terminado. Maëva, ça va? Non, je suis triste, c'est la dernière fois qu'on chantait Music Machine. Ah oui, bah voilà, tu l'écouteras en podcast. Oui, bah. Jadoul dans la trappe, vous nous retrouvez tout l'été pour écouter les meilleurs moments de l'émission, on vous a tout mis dessus, on vous mettra évidemment l'émission d'aujourd'hui. Est-ce que Maître Ispa est avec nous? Oui, je suis là, toujours en forme, toujours en très pleine forme. Ouais, c'est bien, vous faites peur. Maître Ispa qui compte les points et toute l'équipe qui est là pour jouer. Mais avant ça, j'ai envie qu'on fasse une petite chanson quand même. Ah, c'est la dernière. Et c'est le dernier Blanklet, donc chanson spéciale. On est là, vous êtes là, dans la trappe, avec Jadou et son équipe. Grosse production. Wow. 12 chanteurs et 3 nanas qui dansent. Il y a toute une chanson. Un clip de folie. Voilà. Enfin on est mercredi. Tous nos problèmes on oublie. Ici on est entre amis. C'est la folie. On rit, on rit. Oh, c'est faux. Ça chante faux. Oh, 23h03, on peut. Eh, c'est un peu long, ça, non? Si t'es chez toi ou à Bruxelles, écoute Jadoul dans tes oreilles. On fait les cons une dernière fois, et c'est maintenant que ça. Wow. Franchement, j'ai pas les mots. Fantastique. Je sais pas. Je sais pas si c'est pitoyable ou si c'est amusant. Pff, les deux, on va dire. Ouais, les deux. Bon, on se donne. Amusable. Les plus importants. Voici le premier extrait de ce Blanklet. À vous de retrouver titre artiste qui provient de TikTok. Arrive à me glisser. Calogero ascenseur. En apesanteur, en apesanteur, pardon, pardon. Ah bah on reste dans les gens qui chantent faux, hein. Les yeux rivés sur les étages, pourvu que rien n'arrête le voyage. Ah, il l'a pas osé, vous avez entendu, il l'a pas fait. Et on le remercie. Merci, merci. Non mais on s'est dit, on s'est moqué toute la saison des gens qui chantent faux. On voulait le faire une fois en entier sur la chanson que vous venez d'entendre. Deuxième manche, je ne maîtrise pas, le point va à Maëva. Hein. Voilà, point chacha, pour Maëva. Ça vous dérange Maëva. Mais enfin. Mais, non, pas encore. Maîtrise pas. Maîtrise pas. Oui, j'ai. Concentration, hein. Chez la boisson, chez la boisson, j'ai pas rien. Maîtrise pas. On y va, deuxième manche. Ah, c'est mon préféré. By a jumbo jet. It wasn't easy. Allez, je l'aime. But nothing is. J'adore ce titre. No. Blur. Ouais. Bon, je te l'accorde. Song tout, song tout. Ouais. Incroyable, version TikTok. Oh. Oui, il est génial, attendez. C'est le chien de ta voisine, ça, je crois. Oui, je crois que c'est le chien qui traînait dans la rue. Pas bien, on y va, suivant. Next the walls were closed on me and I discovered that my constant stand up on a pillar of salt. Il y a juste un accent mais... I hear shadows and voices ringing, roaming cover each other. Ah oui, Coldplay, Viva la Vida. Exactement. Et les nouveaux packs à le refrain. Je vais frapper les gens qui ont préparé ce blanket avec le cul aujourd'hui. Ah oui, c'est quelque chose et ça sature. Hein. Il a pas le chour bêta. Non, non, il a pas le SM7, ce que tu veux. Je sais pas quoi là. Non, non, c'est compliqué. Quelle horreur. Qu'est-ce que je voulais vérifier ? On maîtrise pas. J'ai fait 1, 2, 3 pour Maëva. 1, 2, 3. Oui, j'ai fait 3 quoi. Ah bah dites 3, ne vous emmerdez pas. Allez, on y va, avant-dernière manche. Je vais pas tout seul à être tout seul. Ouais. Ça fait Stromae. Ouais. Bravo Kik, c'est la première réponse de l'émission. J'ai solitude maintenant. Seul. Non. Mince. Un autre truc déprimant. Oui, attends. Tu vas nous l'infliger longtemps cette merde. J'ai parfois une pensée suicidée. Maëva l'a trouvé, elle vient de me le souffler. Oui, mais t'as quand même le point, c'était l'enfer. Attends, j'ai... Ah, m'a brûlé sur le bûcher. J'ai donné une mauvaise réponse. Version TikTok. Ah, c'est compliqué, hein. Oh, pardon. Merci. Encore un meurtre. Très désolé. Glissé. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'on doit faire? La dernière manche, c'est ça On maîtrise pas, on maîtrise pas. Oui, c'est bien ça. Par contre, je crois que Kikch, il est un peu malade. Parce que faire un point, c'est pas normal. Oui, il a un point, c'est pas mal. Maëva, on a un message pour toi. Bonjour tout le monde. Je suis ravi et enchanté de vous parler enfin. Vous qui me suivez, vous qui m'aimez et qui me soutenez. Maintenant, je voulais dire une petite aparté pour ceux qui les gens qui me disent, par exemple, tu me fais peur, je sors, tu as un mélange entre un tel et Maëva, ou si ou là. Franchement, moi, je suis bien dans ma peau. Je ne suis pas Maëva. Non. Je suis Éon. Ouais. Et je suis bien heureux de l'être. Ah bon. Je suis androgyne. Je la revendique. Oui. Je la sublime. Bravo. Et j'en suis fier. Voilà. Sur ce, I'll kiss you forever and ever. Oh, t'as vu ce petit message rien que pour toi. Mais c'est quoi ça? Mais c'est Eon qui était là toute l'année dans le Blanklet. Et il voulait te laisser un message. C'est pas vrai. Mais si. Non, arrête. Voici justement la dernière manche qui t'est dédiée. Oshi, ta marinière. Bonne réponse. Oh, lui, ça chante vraiment mal. Là. Prêt à rester sur terre rien que pour sa main. Et sur ta marinière, tu cherches une autre très mignon. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons de la ville, nous deux, c'est pire la mer à boire. Oh. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Oh, pardon. Voilà, c'était très très beau ça. Hein. Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. Et je crois qu'on a tout fait donc. Célibataire jusqu'à demain. Mais c'est bon. Elle se donne un air en maillot de bain. Oui, oui, merci. Marinière. Non, mais vraiment. Son marin, je veux plus. Et à rester sur terre rien que pour sa main. Oh. Kisses. Bye. Bye. Bonjour les hommes. C'est un cousin à Claude ça. Oh la vache. Et tiens Claude, avant qu'on parte, Claude, ça va toujours? Écoute, dis, je suis bien installé sur ta terrasse ici. C'est assez coquin. Hein. Vous êtes toujours dehors là? Écoute, oui, je me vous vois plus. J'écoute ton blind test, j'ai un doute ici. Je sais pas si je vais me reconvertir dans le barbecue ou dans la chanson. Parce que je pense que j'ai toutes mes chances pour la saison prochaine. J'ai l'impression. Ah. Bravo en tout cas, vous voulez nous faire une petite démo? Vous savez chanter quelque chose un peu? Par exemple, attendez, ça par exemple. Complotiste, hein. Théorie du complot. Brûlé, sur le bûcher. Ah, il connaît. Complotiste, ah, je vais te refaire tes jingle tish. Tu l'as déjà fait début d'année, hein. Ouais, bon bah merci en tout cas, on voulait juste vous remercier chaleureusement Claude pour ce barbecue déjà. Et merci à vous hein, tish, c'était très sympathique de m'accueillir ici. Énorme. Bah merci à vous. C'était encore une grande saison et vos hamburgers sont délicieux, validés par Maëva. Et je vous fais à tous des grosses lèches. Oh. Mais bon, on va un peu boire quand même sur notre rooftop pour finir l'émission et tout ça, bien fêter ça. J'avais encore bien ça. Boire. Oui, bah ça évidemment. C'est chic. Attends, ah oui, on a oublié de faire le verdict du Blanklet. On maîtrise pas, On en est où dans les points? Oh bah chez Maëva qui a tout gagné, a tout défoncé. Alors si Maëva a gagné et que on est au bout de l'émission, qu'est-ce qu'on fait un 28 juin? Ça c'est ma plus grande question. Ah. Un 28 juin, je pense que l'heure est à la fête. Joyeux anniversaire Maëva. Et t'en as pas un autre là? Si, un petit peu mieux? Ouais. Soyez joie, mi veste. Soyez joie, mi veste. Papy les rois. Papa. Soyez joie, mi veste. Bon anniversaire, Maëva. Et l'air de rien, cette saison est passée à une vitesse et on est très heureux parce que Maëva, avec Kix, on se connaît depuis 10 ans, on fait de la radio depuis 4 ans ensemble et Antoine, ça va faire 3 ans là. Oh oui, au moins. Oh là. Et Maëva est la dernière arrivée dans la team, dans l'équipe. Ouais. Et elle s'est super bien intégrée, elle a fait une saison incroyable, elle n'a fait que progresser, elle nous a apporté plein d'idées, elle a été vraiment judicieuse dans tout ce qu'elle a fait et quand ça n'allait pas, quand c'était un petit peu à côté, elle a toujours tout fait pour que ça aille mieux. Et je pense que Maëva, tu as réussi quelque chose cette saison, en sachant que c'était la toute première fois que tu faisais de la radio. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est important de le signaler. Eh, hey, attends. Oh, Kix, ça tu fait 10 ans, regarde. C'est ce que j'allais dire. Tu dis, ouais, ça fait 4 ans. Il faut pas le dire, ça. Non, mais c'est incroyable. Bah, Maëva, ça nous fait quel âge? 47? Non, ça, je sais pas encore. J'ai encore 47 minutes avec mes 25 ans, mais ça va faire 26. Waouh, 26 ans! Ouais. Waouh. Et quoi de prévu? Quoi? Tu vas faire une fête, un truc? Quoi de prévu? Ah oui, pardon. Oui, demain, apéro, qui veut? Mais non, c'est vrai. Qui veut bien prendre la parole? Où ça, on veut savoir. C'est près de Reims. J'ai élu domicile chez une copine, vu que mes amis viennent de par là. Et qui veut bien prendre l'apéro? Tout le monde est chez bien. Chez tes copines? Oui, chez ma copine. Ok. Bah, vous savez quoi? Pour fêter, cet anniversaire, je te propose de réécouter la maman de Kix. Merci. Qui chante en karaoké le soir. Danse avec lui. C'est Jérôme. Ouais, bonne réponse. Un point. On embrasse toute l'équipe qui a collaboré à la préparation de cette émission. J'en embrasse plein. J'embrasse surtout Laurent, Frédéric, qui ont œuvré dans l'ombre à cette émission. J'embrasse évidemment tous les gens qui ont fait en sorte que tout soit possible malgré tous les délires qu'on voulait faire. Là, regardez, deux micros HF, faire des trucs en rooftop, en terrasse. Enfin, c'est juste incroyable. Avec des petits moyens, on arrive à faire plein de choses incroyables. Et merci à Jadoul pour avoir fait tout ça dans cette émission parce que c'est toi qui as tout. Non, c'est le meneur de jeu. Moi. Et surtout, tout le temps que tu y as passé, toutes tes idées folles. Voilà. Ok, bah écoute, merci à vous tous. On se retrouve peut-être un jour sur une autre radio, sur cette même radio. On sait pas ce qu'on fera en septembre, mais l'essentiel, c'est qu'on vous aime. Et merci pour tout ce qu'on a pu faire cette saison avec vous. Des bisous. Bisous. Ciao, ciao. Je vous souhaite tout bonheur, une excellente continuation. Et une longue vie sexuelle. Plein de succès. Et voilà. Je vous souhaite dorénavant une excellente soirée. Je vous embrasse toujours. Thank you for listening. Goodbye and thanks. Au revoir, bientôt.